Bonsoir. Bonsoir. S'il n'y a pas autre chose, on prend la Bible, mais prions au préalable. Et voyons ce que le Seigneur, ce qu'on fera aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, on prie, d'accord? On prie. Mais ce que, quand on va avancer là-bas, n'essayez pas de poser des questions. Vous avez des questions, posées, et puis on avance. On prie, on commence. Si vous avez des questions, posez vos questions avant qu'on avance dans la Bible. Si on avance dans la Bible, ne posez plus de questions. Santé va aller se poser toutes les questions maintenant. Donc salue quelqu'un d'abord à gauche et à droite. S'il y a personne à ta droite, tu salues devant toi. Voici le frère Achille, voici le frère Achille. Les deux sont, ils s'appellent Achille, Achille. Donc si vous n'avez pas de questions, ou si vous voulez, moi je vous en pose. Et si je pose mes questions, moi je ne réponds pas. Si moi je pose des questions, moi je ne réponds pas. Je vous pose la question. Il y a des questions, moi je vous pose. J'ai une question qui vient de me venir sur l'esprit. Je vous pose la question. Ok, je vais commencer dans votre question. Quand vous marchez, par exemple, quittant vos maisons pour ici, si vous mouriez en route, où serez-vous? Je ne vous demande pas de répondre. Ce sont les interrogations seulement que je me pose maintenant. C'est-à-dire qu'avant de venir, si vous mouriez, où serez-vous? Ça, c'est une question importante que je me pose. La deuxième question, c'est, nous voici, nous dormons chaque jour, nous sortons chaque jour, les gens vaquent à leurs occupations. S'il arrivait qu'il y a chamboulement dans ce pays ici maintenant, est-ce que vous êtes sûr et ferme de tenir pour le Seigneur? C'est une question que je me pose. Lorsque nous voyons dans les chaînes de télévision, les journaux, on voit des pays qui sont en guerre depuis des années. Qui sont en guerre depuis des années. Quand un pays est en guerre, ça se trouve même les dirigeants, même ceux qui ont l'argent, ne sont pas en paix. Ils ne peuvent pas sortir véritablement bien, ils ne peuvent pas jouir de leur bien véritablement bien. Même les militaires ne sont pas en paix, les civils ne sont pas en paix, le président lui-même n'est en paix, personne n'est en paix. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça indique pour notre pays, votre pays qui est en paix, qui n'a pas ces problèmes-là? Quand vous regardez ceux-là souffrir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Et vous qui n'êtes pas dans cette situation, qu'avez-vous fait de juste pour ne pas encore avoir cela? Alors, si tu connais devant Dieu, qu'est-ce que ça implique devant Dieu, cette situation, quand tu vois? Parce que, écoutez très attentivement, tout autour de nous, et dans les rêves, et dans le physique, exprime une chose, l'enseignement. Tout autour de vous vous enseigne. Tout autour de vous vous enseigne. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11 là, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il n'y a rien qui est sur la terre pour rien. Aucun événement n'arrive pour rien. Donc tout a un enseignement. Il y a des leçons à en tirer. Quand vous passez en route, vous voyez, les situations se commencent à se mettre devant de vous. Vous regardez, vous observez, vous comprenez que chaque chose arrive au bon moment. Il y a des choses qui arrivent pour prévenir. D'accord? Vous suivez, frère? Alors la question c'est maintenant, c'est qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se prépare pour notre pays? Nous sommes des chrétiens, nous sommes en train de vivre. On dit qu'on allait aller vers l'horizon 2035. 2035 est devant nous, ça va arriver. C'est qui est ce que 2035 va arriver, n'est-ce pas? Alors la question c'est, qu'est-ce que Dieu lui veut pour notre pays? Qu'est-ce que Satan est en train de préparer dans notre pays? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour notre pays? Je parle maintenant, nous, en tant que chrétiens, pas en tant que population, en tant que chrétiens. Qu'est-ce que nous savons de ce qu'il y a de se tramer dans l'autre côté? Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons le bras comme ça aussi, comme les politiciens. On suit les commentaires des panafricanistes. On dit les blancs ont gâté notre pays. Ils sont trop impliqués dans notre pays. On entre dans la discussion. La question c'est, qu'est-ce que le ciel en train de dire sur ton pays? Quelle décision ça en train de faire et par conséquent. Si on dit par exemple que demain, qu'il y aura la crise alimentaire ou bien le prix de gaz va augmenter, vous allez faire tout pour regarder votre bouteille de gaz pour acheter au moins un mois d'abord à la maison, pas vrai? Parce que vous avez entendu une nouvelle que c'est grave devant. Mais maintenant, comme vous ne savez exactement pas ce qui arrive ou ce qui est censé arriver, vous êtes là comme ça, comme les ignorants. Et si vous sortez ici, demain une nouvelle sort, des paniques commencent, vous êtes surpris comme tout le monde, vous commencez à marcher comme tout le monde. Est-ce que c'est l'attitude des chrétiens? Allez dans la Bible, vous allez voir effectivement que tous ceux qui étaient chrétiens de la bonne manière avaient une certaine quiétude face aux événements scandaleux qui puissent arriver devant vous, face aux événements douloureux qui puissent arriver devant vous, face aux événements tragiques qui pouvaient arriver. C'est comme s'ils étaient préparés. Vous me suivez? Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 23 en descendant, la Bible déclare qu'il y avait un des prophètes dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes qui sont venus de Jérusalem. Ils ont dit par l'esprit, annoncé par l'esprit, qu'il y a une famine qui arriva. Pas vrai? La Bible déclare que cette famine-là est effectivement arrivée sur Claude, l'empereur Claude qui était là. Donc, l'empereur, il est empereur. Il y a une famine qui va arriver, il va dire, qu'est-ce qui ne va pas? Mais les chrétiens savaient de quoi il était question. Maintenant, c'est un homme qui vient au milieu de l'église et tient et dit que, souvenez-vous, il y a une famine qui est en train d'arriver. Dieu nous a appelé une famine. Ça, c'est au milieu des chrétiens. Maintenant, la Bible déclare dans ces Actes des Apôtres, chapitre 11, que les chrétiens se sont préparés en conséquence. Les chrétiens se sont préparés. Ils se sont résolus donc d'envoyer à la Judée pour ceux de la Judée, parce que la Judée, les chrétiens de la Judée étaient les plus pauvres. Ils ont fait des collectes pour envoyer aux ceux de la Judée pour les soutenir dans ce moment de famine. Alors, je pose la question. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comment? S'il arrive que cette famille a supprimé tout le monde, pendant que les mondains sont en train de souffrir, les chrétiens sont en train de souffrir, ce n'est pas normal qu'on sait le Dieu qui contrôle le temps et les circonstances et on entre dans les temps néfastes et circonstances sans aucune prévision, sans que Dieu n'ait prévenu. Si on marche comme ça à l'aveugle, il faut qu'on s'arrête, on réfléchit. Si on tombe, c'est clair que dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 1, la Bible déclare que tout arrive à tous. Mais le paludisme qui va attraper un chrétien n'est pas censé être comme le paludisme qui attrape un mondain. La pauvreté d'un chrétien n'est pas comme la pauvreté d'un mondain. Non. La même chose comme ça peut arriver à un chrétien, la même chose arrive à un mondain, mais pour le mondain, est différent totalement. Il y a bien les mêmes événements qui arrivent. Quand le deuil arrive à un chrétien, ce n'est pas le même style de deuil qui arrive à un mondain. Parce qu'à un chrétien, la Bible déclare que si quelqu'un meurt qui est chrétien, que ne vous lamentez pas comme ceux du dehors. Ceux du dehors se lamentent parce qu'ils n'ont point d'espérance. Car si nous, dans cette intention, chapitre 4, chapitre 5, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qui est ressuscité, croyons aussi qu'il ramènera à la vie par Jésus-Christ tous ceux qui sont morts. Vous voyez cela? Donc ça veut dire que nous avons l'espérance, eux ils n'ont pas d'espérance. Mais nous nous couchons de la même façon, à la même morgue. On pleure de la même façon, en terre, la même terre. Mais les destinations après ne sont pas identiques. Donc tout arrive à tout le monde. Et maintenant, s'il y a les événements, il y a des événements de la famine dans la Bible. Lorsque Abraham est décédé, son fils Isaac voulait fuir pour aller en Égypte. Dieu lui a dit que reste dans ce pays-ci, il veut te bénir. Donc il y avait la famine. Dieu lui demande de rester dans le pays où il y a la famine. Parce que Dieu a parlé pour lui donner l'orientation pendant la période de la famine. Alors il est resté là-bas. La Bible déclare, vous savez, ce que vous appelez puits aujourd'hui, les richesses que les gens avaient avant. Les puits pour creuser un puits. Imaginez les matériels qu'ils avaient, qu'ils pouvaient avoir pour pouvoir creuser un puits pour trouver de l'eau. La Bible déclare que quand quelqu'un était serviteur d'Isaac, quand il creusait un peu comme ça, l'eau était au sol. Quand tu t'appelles serviteur d'Isaac, voilà son terrain comme ça là. Parce qu'il faut l'eau pour irriguer, pour pouvoir arroser. Il y a la sécheresse, il n'y a pas la nourriture nulle part. Alors ces serviteurs viennent, quand ils prennent le pioche, ils font comme ça, pam, pam, l'eau sort. Tu dis que merde, le gars, c'est la source de l'eau quoi. Tu prends, viens à côté de lui, tu n'es pas son serviteur, tu prends ta part de pioche, tu creuses, tu passes la journée, l'eau ne sort pas. Vous regardez comme ça, il envoie un de ses serviteurs encore, il creuse, n'importe où il veut creuser. Quand il creuse un, l'eau sort. Parce qu'il est connecté à celui donc qui dit le fleuve de vous couler. Vous voyez? Donc il y a une situation de famine. Dieu prévient son serviteur, il dit, reste là. C'est pour cela que quand quelqu'un sert Dieu de la bonne manière, il est connecté à lui, les tribulations, les vagues de la mer, les vagues peuvent déferler dans sa vie, il sera calme. Parce que la vraie situation de paix, ce n'est pas l'extérieur qui doit conditionner cela. C'est à l'intérieur. Prenez votre Bible là, avant qu'on commence. Ouvrez le livre de Philippiens, chapitre 4. Donc, on va avancer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette réunion. Merci pour ta parole pour nous. Merci parce que tu gardes notre cœur en toi. Merci Père de gloire, parce que lorsque les grands fleuves submergent dans ce monde, ce Père de gloire, nous ne nous noyons pas comme les autres. Car nous avons le regard et les mains levées vers Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de notre foi. Merci pour les frères et les sœurs qui sont ici et ailleurs, qui tiennent ferme à toi. Je prie Père de gloire pour ceux dont les pieds fléchissaient à gauche et à droite, que toi-même tu les raffermisses aujourd'hui. Je prie Dieu de gloire que tu diriges quelqu'un vers toi, que tu dirige leur cœur vers toi et que tous ceux dont les situations de la vie les faisaient paniquer, comme tes disciples qui étaient dans le bateau avec toi et qui paniquaient, qui croient au Dieu de gloire, que tu es le maître qui contrôle le temps et les circonstances. Que les tribulations de la vie ne peuvent pas, au Dieu de gloire, submerger tous ceux qui croient en toi. Car tu as dit que tu marcheras dans les eaux avec nous, tu traverseras dans le feu avec nous pour nous mettre en bon port. Seigneur, sanctifie sur chacun des cœurs ici. Sanctifie chaque pensée et toute pensée, au Dieu de gloire, qui n'était pas ancrée en toi. Je prie, Père, que tu les diriges vers toi, toi-même. Car tu as dit, personne ne peut venir à toi si le Père ne les attire. Je prie, Père de gloire, que tu attires tous ceux dont là qui t'appartient et que tu les diriges vers la patience de Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chapitre 4 de Philippiens. Lis le verset 6, 7. Allons-y, à haute voix, frère. Ne vous inquiétez de rien. Stoppons. Regardez. Comment un commandement peut être donné dans la Bible? On dit ne vous inquiétez de rien. Tu as trouvé, mon cher? Il dit ne vous inquiétez de rien. Il ne faut pas que cet enfant s'assied là-bas. Il s'assied là-bas avec l'obscurité. Si le moustique rentre, ça va l'appliquer. Il dit ne vous inquiétez de rien. Lorsque la Bible parle que ne vous inquiétez de rien, il y a des situations d'inquiet. Ça veut dire qu'il y a des situations d'inquiet. Vous savez, c'est quand même ces choses qui me dérangent. Maintenant, voici donc les messages qu'il y a pour les îles. Vous savez, je n'aime pas ces choses-ci. Maintenant, il est temps de lire, dire quelque chose. Maintenant, les choses s'affichent là, maintenant. Il faut, je ne sais pas comment on va gérer ceci. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Continuons dans cette direction-ci, regardons. Donc, dans ces Philippiens, chapitre 4, il dit ceci, il commence par « Ne vous inquiétez de rien. » Alors, ça suppose donc que, et ici, ça, il s'adresse aux chrétiens. Il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Comment un être humain normal ne doit pas s'inquiéter? Ici, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Si vous lisez Jean chapitre 14, verset 1, il commence par « Que votre cœur ne se trouble point. » Que votre cœur ne se trouble point. Donc, aucune situation, on ne doit pas accepter qu'aucune situation ne vienne nous alarmer. Mais vous voyez les chrétiens qui ont des situations au point où ils ont des insomnies. Parce qu'ils ont entendu des mauvaises nouvelles. Ou bien parce qu'il se prépare, il y a une mauvaise, une situation qui se prépare devant lui. Ou bien devant elle, qui sait que cette situation est catastrophique ou bien ingérable humainement parlant. Ça lui donne des insomnies. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Que votre cœur ne se trouble point. Pourtant, il y a des situations qui doivent troubler. Quand la Bible déclare comme ça, il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourtant, il y aura des situations. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous, oh, c'est vrai. Il y a des situations qui vont venir heurter. D'accord? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Donc, il y aura des situations qui vont vous inquiéter, mais ne vous inquiétez pas. Il y aura des situations qui vont se présenter. Ne vous inquiétez pas, ce qu'il a de le dire. Ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que si quelqu'un est en Christ, il n'y a pas de problème avec lui. Il y a plusieurs versets bibliques qui veulent signifier plutôt que si quelqu'un est en Christ, il veut chercher des vrais problèmes dans sa vie. Il dit pêle-mêle, les versets bibliques sont pleins là-dedans pour dire que si quelqu'un est en Christ, c'est que lui-même, il a déjà commencé à accepter les problèmes. Parce que c'est Philippiens-ci là, au chapitre 1, le verset 27 à 29, la Bible déclare qu'il vous a déjà fait la, il avait été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir. C'est dis à ton voisin, donc il y a la grâce de croire au Seigneur Jésus. Et une très grande grâce particulière. Qu'il faut aimer et apprécier. C'est de souffrir pour lui. Voilà. Donc il n'y a pas un verset, il n'y a pas un verset biblique qui dit que quand vous êtes en crise là, c'est que non. Ecclésiaste chapitre 9, verset 1, il dit que tout arrive à tous. Tout arrive à tous. Donc tout le monde peut subir la même chose. Alors vous voyez effectivement que vous avez quand quelqu'un dit que le tel chrétien il est mort dans la maladie, il est mort. Vous êtes sûr qu'il était chrétien, il est chrétien. C'est Philippiens s'il nous dit au chapitre 4, toujours, non, au chapitre 2, qui a Épaphras qui était malade même jusqu'à la mort. C'est l'apôtre Paul qui. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Et le bien-aimé Épaphras, il était malade jusqu'à la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Dieu n'a pas eu pitié de lui parce qu'il voulait comme ça le consoler. C'est parce que l'apôtre Paul savait que s'il mourait, l'apôtre Paul ne pouvait pas le consoler. Pourtant, l'apôtre Paul avait l'un des dons de guérison les plus puissants. Il dit, j'ai laissé Trophime à Miller malade. Donc l'apôtre Paul en quittant comme ça Trophime pour dire bye bye. Trophime était comment? L'apôtre Paul le quittait avec les dons de guérison. Parti, lui avait le laissé là-bas malade. Mais le chrétien de Jésus met la main la poche que si tu tombes malade, c'est qu'il y a un problème avec toi. Si tu es pauvre, c'est que tu as une malédiction. Et la Bible déclare que celui qui outrage le pauvre comme ça parle contre celui qui l'a fait. Et Jésus lui l'avait prophétisé. Et c'est une très bonne prophétie. Il dit, vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Il n'a pas dit que les pauvretés cesseront. Donc vous entendez les colloques pour cesser la pauvreté, ce sont les histoires. Il y a des différentes façons de lutter contre Dieu sur la terre, c'est sans dire qu'on a de lutter contre Dieu. Il y a plusieurs façons que le monde développe pour pouvoir lutter contre Dieu. Jésus dit que vous aurez toujours la pauvreté, les pauvres au milieu de vous. Il dit vous aurez toujours. Maintenant, si le monde fait disparaître tous les pauvres, Jésus aurait dit vrai. Donc ils sont de lutter contre Dieu sans s'en rendre compte. Quand la Bible déclare que n'éloigne pas les verges de la correction sur un enfant. Donc c'est un enfant. Si tu cesses, tu prends le bâton, tu casses, tu dis que je ne tape plus jamais mon enfant, tu viens de contredire Dieu. En Europe, on a signé plutôt, dans les pays occidentaux, on a signé plutôt les décrets. Tu tapes sur un enfant, ce sont les policiers qui viennent t'en charger. Donc les parents ne tapent pas sur leur enfant. Et par conséquent, même les chrétiens qui sont là-bas se soumettent à cette loi-là au détriment de la loi de Dieu. Et la Bible dit clairement le pourquoi. La correction, la veste, la correction ne doit pas quitter. Il dit la folie est attachée au cœur des enfants. Et Dieu donne la solution que c'est la veste de la correction qui l'éloignera. Le monde signe que ne tentez pas de taper l'enfant pour que cette folie-là reste. Vous avez vu cela? Par contre, quand l'enfant grandit dans le développement de la folie sur le cœur, quand il grandit maintenant, quand ils seront chargés, on va l'amener chez les pasteurs, on cherche les pasteurs comme ça, que prie pour l'enfant pour le délivrer, il est trop têtu. Donc, ça a eu le temps de se construire, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Après, ils cherchent les responsabilités pour sacher le pasteur que prie pour lui, il est possédé. Vous voyez quelqu'un qui habite en Europe, qui vit avec les enfants, que prie pour lui, tu dis que non, rentre en Europe. Voici la solution pour lui. Quand on dit que vous allez arriver à l'aéroport où il y a le policier, cherche une chicote, gifle le bien, bam! La folie va quitter. Vous allez voir ce que la personne va vous dire. Que la solution là, c'est qu'on va m'enfermer. C'est Dieu qui a donné la solution. Dieu n'a pas dit qu'on délivre les enfants comme ça. Il dit que c'est la verge de la correction qui l'éloignera de lui. Je vous l'ai dit, vous voyez comment on peut contredire Dieu. On cherche à lutter contre Dieu sans dire que c'est contre Dieu qu'on a de le faire. Parce que c'est une loi qui est écrite. Dieu l'a écrite pour toujours. Il dit que voici comment conduire l'enfant. Il dit que la Bible déclare clairement que celui qui épargne la verge de la correction de son fils le hait. Donc l'Europe, les Occidentaux ont décidé que haïssons nos enfants. On a des produits comme ça des générations qui vont se lever plus tard. Et ce n'est que la prophétie biblique, d'une part. Parce que la Bible dit clairement qu'au dernier temps, les gens seront fanfarons, égoïstes. Et là, 1 Timothée chapitre 3, vous voyez cela, n'est-ce pas? Après, la Bible déclare, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Donc, c'est ça, cette loi-là qui vote comme ça pour que les enfants vont être rebelles à leurs parents. L'enfant peut connaître la plante à son père. Rendre quand il veut. Tu parles, tu as la crise cardiaque, tu ne peux pas taper. Tu dis, il dit, papa, tu me tapes là, je vais appeler la police. Tu comprends que ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'humanité? On a lutté contre Dieu comme ça avec cette loi-là. Donc nous avons une situation maintenant entre les mains. Donc Dieu dit dans ce Philippiens chapitre 4, le verset 6, la partie A, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il y a une situation d'inquiétude. Sur le problème que ça nous parlait de l'homme contre la loi de Dieu. On va venir dans un autre enseignement. Parce que les chrétiens se compromettent au point où non, c'est la loi. On commence à citer maintenant les versets bibliques. La Bible déclare qu'il faut se soumettre à l'autorité. Ça, c'est une autorité qui est manifestement antichrist. Parce que c'est contre la parole de Dieu. La parole de Dieu dit clairement, frappez les enfants pour éloigner la folie. On dit clairement, si vous frappez, on vous enferme. Il dit, non, je ne le frappe pas. C'est sa vie. Et la Bible déclare que Dieu va demander la correction, la vie des enfants entre les mains des parents. Les chrétiens sont là-dedans. Les mondains sont là-dedans. Mais comme ils ont peur que ces étapes, on va faire comme ça, là, ils sont aussi là-dedans. Et chaque jour, je prends sa Bible et lit. Ça m'étonne le monde qu'on est en train de vivre. Je crois que tout ce qu'il faut vraiment, c'est que Dieu envoie la persécution sur l'église. C'est tout. Pour vraiment réveiller l'église, il faut la persécution. La persécution, c'est la meilleure manière avec laquelle Dieu peut parler à l'église pour qu'elle comprenne. Si on reste dans le confort, là, on aura toujours le problème. On va dire que non, tu penses que Dieu peut penser que ça, c'était la chicotte d'avant. Maintenant, il y a le modernisme, il y a plusieurs autres façons d'éduquer les enfants sans les chicoter. Donc, Dieu était fou. Dieu a dit que la verge de la correction l'éloignera. On dit éloignera la folie qui est attachée. Donc, la folie est attachée sur le cœur de l'enfant comme ça. Chicote-le, la folie va partir. Ouais, un enfant tend les mains sur les verges, touche comme ça, il ne touche pas. Ne touche pas. Il dit, s'il te plaît, ne touche pas. Il casse plutôt. Quand il tend la main, une fois qu'il pousse les verges, Paul, ne touche pas à cela. Il te tue, fais pas. La prochaine fois, tu ne lui dis pas de toucher. Quand il tend la main, tu le regardes, il comprend que deuxième fois, il y a une paire de jeux qui va sortir, il ne touche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La verge d'accrochage a éloigné la folie. C'est pas ça, frère. Mais les Occidentaux, je vous dis, parce que nous sommes encore sur une culture qui prône encore ces choses-ci. Mais je vous le dis au nom de Jésus-Christ, lorsque ces choses vont venir, que vous avez des enfants, vous avez un rôle, soit respecter ce que Dieu dit, soit respecter ce que les hommes disent. Et dans ces cas, si vous faites ce que Dieu dit, vous allez chaque fois que vous allez respecter Le commandement de Dieu au détriment du commandement des hommes, vous allez subir les fougues des hommes. Mais je suis en train de prendre ces choses pour vous amener dans Philippiens chapitre 4. Si. Il dit que ne vous inquiétez de rien. Il y a des situations d'inquiétude. Un parent d'homme maintenant qui a son enfant qui se trouve en Europe, dans le territoire européen, et que la loi européenne dit que vous ne devez pas taper sur l'enfant. L'enfant fait des choses, il faut corriger. Tu es chrétien. Où est-ce que tu te trouves là maintenant? La police vient la prochaine fois, mais la Bible déclare dans Philippiens chapitre 4 que ne vous inquiétez de rien. Frère, oui. Il y a quelqu'un qui connaît en Europe. Oui. Elle a frappé sa fille pour la première fois. Elle fait rester là. Mais là, maintenant, à l'école même. Oui. Les gens qui passaient là, les conseils d'orientation et tout. Oui. Ça vous frappe à la maison. C'est que papa me tape plus loin. Alors, il a levé la garde de l'enfant. Oui. On n'a rien dit. Les vacances partent en Afrique. Oui, il a chipoté. Tous les jours. Il frappe. Moi, c'est demandé, mais pourquoi tu frappes les enfants? Oui. Il frappe tous les jours. Quand la femme fait, il frappe seulement. Oui, parce que c'est quelqu'un arrière. Il va demander quelqu'un de demander à l'enfant. Oui. Non, parce que. Étant là-bas maintenant, tellement oui. Chaque congé, il descendait seulement à l'Afrique. Oui. Il frappe, il m'a donné la chapelle fleurée là. Oui. Maintenant, ça va peut-être cause comme 4 ans. L'enfant a senti que. C'est grave. Pour que la base ne soit pas terrible là-bas en Afrique, tu peux te rester tranquille à nous. Donc, compris, l'enfant m'a compris que. Pour qu'il vienne en Afrique, il me frappe plus. Pour qu'il me comporte bien en Europe. Voilà, c'était donc... fini, il avait réglé. Ah vous riez. Donc celui qui a compris que le lieu où il faut respecter la parole de Dieu, c'est où? C'est en Afrique. Donc il vient essayer de le récupérer comme ça, il le tape bien sur tous les yeux de tapage qu'il n'a pas pu taper là-bas. Amen. Amen. Mm-hmm. Donc il dit que la loi de Dieu est la loi de Dieu au Cameroun, qu'on respecte là-bas, il ne respecte pas la loi de Dieu. Mm. Dans la prochaine fois, quand l'enfant va grandir, il va dire que. Est-ce que tu viens pas en Afrique cette année? Il dit, papa. Parce que c'est qu'en Afrique, là-bas, quelque chose de l'attendre. Mais l'enfant lui-même a compris maintenant la leçon. Qu'en fait, on me tape à cause de telle chose. Mais maintenant, il y a une chose, c'est que les enfants ne comprennent pas que c'est pour le bien, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais il faut que c'est aux parents de comprendre que, un, ce n'est pas l'État qui t'a donné ton enfant. C'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Et Dieu demandera l'éducation des enfants aux parents, pas à l'État, pas à l'école. Et par conséquent, ce n'est pas à l'étoile de te dire comment tu vas éduquer l'enfant selon la voie de Dieu. Parce que si tu dis des choses par rapport à l'éducation des enfants, selon les normes de Dieu qui ne font pas de mal à l'enfant, alors forcément tu dois suivre cela. Mais si tu dis quelque chose qui est contraire aux Écritures, et vous voyez effectivement que c'est en train d'amener les enfants plutôt à la dérive, il faut désobéir. Je crois que le moment va arriver où Dieu va susciter les parents vraiment violents là-bas pour taper sur les enfants pour que c'est leur s'en mousquée. Il y a un problème parce qu'en Afrique, quand j'étais petit là, oui. À des deux là, et les cousins, oui. Les amis des parents, oui. Les amis des grands frères, la rentrée vient, n'importe quoi, n'importe quel, on te frappe. Là, la maison, tu dis comment c'est bien, on te frappe encore. Tu faisais quoi à l'heure là, alors qu'il faut commencer. Voilà maintenant, un enfant fait, c'est pas un petit. Tu as bouché mon enfant, maman. Voilà. Donc même les voisins s'occupent de pas des enfants pour dire que qu'est-ce que tu fais ici de à cette heure-ci. N'importe qui, n'importe quel grand du quartier, tu vois, n'importe quelle heure. Tu tapes seulement. Tu frappais seulement, n'importe quelle heure, tu frappais. Oui. Parce qu'ils savaient qu'à cette heure-là, tu ne devais pas être à la maison pour apprendre. Voilà. L'éducation était donc, c'était la rigueur. L'éducation était tellement à un niveau. Au point où la société s'en mêlait. Oui. Les parents qui connaissaient les enfants s'en mêlaient. Et ça fait que notre génération, personne ne volait, personne ne braquait. Oh, tous ceux qui sont venus après nous, comme la majorité des grands frères sont tous allés en Europe, certains sont fatigués, c'était tout, la condition de la vie et tout. Mais il y a les gens qui sortent les couteaux, les poignards et tout. Avec une nouvelle éducation. Voilà, parce qu'on ne fait plus rien. Voilà. Alors, laisser les enfants s'en taper, c'est laisser la folie grandir, n'est-ce pas? Et c'est la délai qui les éduque maintenant. Ouais, dès qu'on finit ce livre de Philippiens chapitre 4, on va la montée que j'ai tant de vouloir citer tout à l'heure là, pour qu'on voit cela. Pour que vous compreniez que les choses sont écrites dans la Bible, c'est là couché. Quand c'est écrit, comme le Seigneur Jésus a dit qu'il y aura toujours le pauvre, mon Dieu descendait, ça veut dire que vous pouvez éradiquer la pauvreté. Donc, toute philosophie humaine, toute chose humaine pour tenter d'éradiquer la pauvreté, vous trouvez par là dire que tu en as dit comme ça que Jésus n'avait pas raison. C'est un peu comme quand tu entends une situation de tension, de guerre, de bruit, de guerre, parce que tu dis Seigneur, nous prions qu'il n'y ait pas de guerre. Tu as été trompé seulement parce qu'il a dit qu'il y aura des guerres et des bruits, des guerres. Donc, c'est ce qu'on va suivre dans les journaux. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, tenter de dire Seigneur, oh, qu'il n'y ait pas de guerre, tu en as voulu dire à Dieu pour faire que ta parole ne s'accomplisse pas. Il a déjà dit que ça va s'accomplir. D'accord? Maintenant, dès que nous finissons là dans ces Philippiens, nous allons dans 1 Timothée avant d'avancer. Je vais faire vite pour glisser de ce qu'on va voir là maintenant. Donc, prenez vos volets. Le chapitre 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais le tableau qu'il veut vous expliquer, c'est que Dieu dit comme ça, pas aux anges, c'est aux êtres humains qui ont cru en lui, pour dire qu'il y aura des différentes choses qui vont essayer de vous challenger. Mais ne vous inquiétez de rien. Le langage qui se cache, c'est que quoi? C'est que quand tu es véritablement en Christ, Toute situation est autour de toi pour ta faveur en réalité. C'est ce qu'il dit dans un autre passage de Romains chapitre 8, verset 28. Il dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc quand Dieu t'appelle selon son dessein, il fait concourir toutes. Quelqu'un dit toutes. Voilà. Il fait concourir toutes choses à ton bien. Je ne sais pas si vous saisissez. La Bible déclare toutes choses. La Bible n'a pas dit que les bonnes choses en ton bien. Non. Parce que les bonnes choses, c'est automatiquement bien. Il a dit toutes choses. Donc, même ce que nous pourrons voir comme en face, comme si c'était le mal, à première vue, au premier regard, au premier abord, nous ne comprenons pas le plan. Et chaque fois quand Dieu agit, tu comprends que c'était la meilleure façon. Vous voyez ça? Maintenant, continuons maintenant. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais quand? Mais en toutes choses. Stop. Mais en toutes choses. C'est-à-dire que n'importe quoi, c'est-à-dire que dans n'importe quelle condition, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ce qui est écrit. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par... Stop. Il n'a pas dit par là. Par... Par... Dieu a donné la façon de venir présenter des requêtes à lui. Pourtant, il s'adresse comme ça aux chrétiens, dont Dieu est leur sauveur, Seigneur, règne dans leur vie. Et qui a dit, demandez, on vous donnera. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il me souvient bien quand il était dans la chambre en train de prier. Alors, quand il finissait de prier, je me suis tenu debout, j'étais en train de méditer. Et puis le Saint-Esprit me disait ceci. Lorsque Satan entre dans les vies, pour pouvoir rendre les chrétiens inutiles, il attaque leur vie des prières, leur rapport avec la parole. J'étais debout, j'étais absurde, j'étais dépassé. Je dis bien tout à l'heure, avant qu'il ne sorte de la chambre, pendant qu'il priait. Il voulait me méditer là-dessus. C'est là sur le cœur. C'est pour ça qu'il vous dit, les choses se déroulaient là. Il essaie de le contrôler. Il attaque ta vie de prier parce que c'est le moyen, le canal par lequel Dieu t'a invité à venir vers lui. Et par conséquent, il met donc des événements tout autour de nous au fur et à mesure qu'il va nous distraire. Distraire pour que vous éloignez des vrais objectifs. Quelqu'un qui ne lit pas la parole, qui ne prie pas, tu montes, tu descends, tu es comme... vous savez, quand vous voyez quelque chose dans l'eau, les arachides dans l'eau ou bien le haricot pour mouiller, le haricot va à l'intérieur là-bas. Ce qui reste au-dessus, là, vous pouvez prendre avec la même message, parce que ça ne sert à rien. Il est là comme ça, c'est un mort vivant. Tu ne peux pas faire le challenge avec un esprit. Tu ne peux pas faire le challenge avec Satan, parce que c'est dans l'intimité du Père que se trouvent les révélations des secrets du royaume. C'est dans l'intimité du Père, cette communion, ce travail avec lui, que vous sortiez avec les données, comme je disais dès le départ, quand nous marchons, nous allons chez nous, les choses arrivent, boum, les journaux nous surprennent. Les événements nous surprennent parce que nous sommes aussi surpris comme les autres parce qu'on n'a pas cultivé l'intimité avec lui. Donc, en clair, notez quelque chose, nous allons lire tout à l'heure. Hein. Notez, c'est justement ça qui s'était affiché là tout à l'heure. Notez, il dit, notez, c'est Luc chapitre 21. Nous allons lire deux versets là tout à l'heure. Je vais donner le verset. C'est donc là maintenant, pendant que nous allons parler, vous allez aller chercher rapidement ce qu'il y a là-bas. Luc chapitre 21. Alors, lorsque ces événements se déroulent autour de nous, Dieu nous a déjà donné, dans Jérémie chapitre 33, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il avait déjà dit cela. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu dit ce que tu dois faire et ce que lui doit faire. L'être humain reste tranquille comme ça là. On a maintenant capté maintenant que c'est le pasteur, c'est le problème du pasteur. Quand j'ai un problème, il faut que je parte voir le frère Junior. Pourtant, Dieu n'a pas dit que Junior, invoque-moi et te répondrai. Il a dit, invoque-moi. Il a dit ça à qui? À moi. Voilà. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Des choses cachées, pas vrai? Deutéronome 29 dit que les choses cachées sont pour lui, les choses réglées sont pour lui, sont pour ses enfants. Donc, ce n'est pas normal que les choses arrivent autour de nous sans que Dieu ne nous ait parlé. La Bible déclare dans le Lamentations chapitre 3 qu'arrive-t-il quelque chose dans la vie sans que Dieu ne l'ait ordonné? Dans Amos, il réitère la même chose. Et Dieu ordonne quelque chose que ses enfants soient détruits, que les choses soient détruites et que ses enfants soient parmi mêlés. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il prévient ses enfants. Vous suivez? Donc, la vie des prières et la vie de la parole doit être le socle de notre relation. Pas les rituels religieux où on va occulter ou autre. Ça, c'est bien. Ça doit être joint là-dedans. Mais le pilier, c'est la méditation de la parole et la prière. Ça ne doit pas être attaqué. Si c'est attaqué, tu es vaincu. Tu vas commencer donc à entrer dans le système qu'on appelle la religion, comptant sur la force de quelqu'un pour te soutenir. Vous suivez ça, frère? Donc, il faut qu'on se réveille dans ce domaine-là maintenant. Je crois que comme le Seigneur a parlé là, il va falloir qu'on regarde dans ce domaine, dans cette direction. Parce que les gens prennent la parole. Tu vois, dès que tu ouvres la parole, allez, soit tu as ouvert la parole, tu entends. Tu bailles. Il y a un signe pour montrer qu'il y a un problème. Dès que tu ouvres un verset biblique, tu veux lire, tu sens le poids, la fatigue. Quand tu prends la Bible, tu sens le poids, la fatigue. Le sommet, en voyant que tu es en train de lutter avec le sommet, tu lèves la tête comme ça, comme les musulmans qui sont en train de prier. Ça montre qu'il y a un problème. Dès que tu déposes la Bible, tu fais autre chose, tu te sens en forme comme jamais. Ça montre que Satan est à ta porte, couché. Vous dormez ensemble. Vous dormez ensemble. Et par conséquent, si la Bible se passe comme ça, quand tu vas te mettre à genoux pour parler à Dieu, tu vas voir que tu es quitté du coq à l'âne, quitté de l'âne au cheval, quitté le cheval à lion, sans rien dire de bien. Après, finir là-bas. Après, dans la prière, tu dis qu'il y a telle personne qui a pris mon argent. Est-ce qu'il l'a donné? Et tu as agi comme ça pour prier. Demain, je vais faire mon comment. D'abord, on va m'envoyer quelque chose demain. Je vais me faire comment pour... Tu es dans la prière. Je vais faire comment pour aller prendre demain. Il faut qu'il n'y ait pas telle personne qui me donne l'argent et t'assis pour qu'il puisse partir. Tu es dans la prière. Mais les pensées sont autre part. Ça n'a pas commencé là-bas. Ça a commencé au niveau de la méditation, de la parole. Psaume 1, verset 1. Il est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur. Mais, voici les bons mais de la Bible. Mais qui trouve son plaisir. Donc, quelque chose sur son cœur, sa passion. Comme les gens, vous voyez que les gens courent. Vous, vous discutez, il ne faut pas aux entraînements. Vous, il ne faut pas voir tellement, parce qu'il y a tellement la télévision. Ou la Coupe du Monde. Cet engouement d'amener les gens dans cette direction-là. Ton engouement doit être de t'envoyer dans. Ouf, il faut que tu trouves le temps rapidement pour aller trouver, pour aller méditer avec la parole. Vous voyez? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et, il est dans la loi de l'Éternel. Et, qui la médite jour et nuit. Puis la Bible dit clairement la conclusion. Ce style d'homme-ci est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que quand un arbre est planté près d'un courant d'eau, comparativement à un arbre qui est sur la terre, s'il y a la saison sèche, celui-ci souffre parce qu'il n'y a pas l'eau. Cet autre arbre qui est planté dans le courant d'eau, sa racine est dans l'eau. Donc, tant que l'eau va couler, sa racine n'aura pas de problème. Donc, le problème du soleil là-bas, le même soleil frappe. Je vous ai dit tout à l'heure là que la différence entre les chrétiens et les mondains, c'est différent, non? Observez cet arbre, c'est l'autre qui est planté là où il le disait. Là où, c'est le même style d'arbre. Un manguier qui est planté le plus dans le courant d'eau, un manguier qui est planté sur la terre sèche. Quand il y a excès de sécheresse, celui-ci va beaucoup plus résister parce qu'il est proche de l'eau. Pas vrai? Quand on est proche de Dieu, les événements peuvent arriver n'importe comment. C'est le même soleil qui va frapper sur la terre. L'autre mangue va sécher. Tu sais, le mangue parle, il va se tourner vers l'autre mangue. Il dit, mais tu fais comment pour que tes feuilles deviennent toujours vertes? Il est planté près d'un courant d'eau. Et la Bible dit, dont les feuilles ne se flétrissent jamais. Tout ce qu'il fait, lui, c'est écrit dans ces sommes-là comme ça, qu'ils sont hésités, frère. C'est écrit que tout ce qu'il fait, lui, pourquoi? Parce qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans ce livre de Luc chapitre 11, le verset 27, lorsqu'il est en train de prêcher à la foule, et qu'il y a une femme Marie, de l'église de Marie, qui était dans la Bible. Je crois que vous ferez mieux d'enlever, c'est pour ça que la fille n'a pas savant qu'elle nous distrait là maintenant. Dans ce livre de Luc au chapitre 11, verset 27, qui a dit, heureux les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein de la femme qui t'a porté. Le Seigneur a dit directement là, cache, que ce n'est pas ma mère qui est importante. Ce n'est pas Marie qui est importante. Il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la garde. C'est eux qui sont heureux. C'est ça, frère. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, la Bible déclare que heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent et entendent la parole de cette prophétie, de ce livre, c'est car le temps est proche. Ils sont heureux. Donc, on a laissé la Bible de côté, laissé la vie de prière de côté, mais on est dans les activités religieuses. On est dans la course au poste, la course à la réussite de ce monde-ci. Je crois que c'est. On va continuer dans ce domaine-là. Et lorsque les tribulations dont nous arrivent, on cherche Dieu. Dans les tribulations, on dit, Seigneur, tu es le Dieu de David. Tu as répondu par le feu. Vous savez combien de fois David était dans la caverne d'Adoulam là-bas, avec les araignées partout sur lui pour méditer, alors qu'il fuyait son ennemi, Saül, alors qu'il n'avait rien fait. Il passe son temps dans la méditation. Et Dieu venait à sa rencontre. Oh Seigneur, tu es le Dieu de Sarah. Vous savez combien de temps Sarah a dû souffrir? La Bible déclare qu'il appelait son Seigneur. Son mari, son Seigneur. Mais toi, quand le mari parle, tu sors la balle, 20 balles par seconde dans la bouche. Et tu dis que tu es en fait le Dieu de Sarah. Vous voyez ce que je dis, n'est-ce pas? Dans la méditation et l'intimité avec Dieu, son esprit nous transforme à l'image qu'il veut pour nous. À notre insu même. Vous suivez ça? C'est ça le vrai problème. Regardez. Il dit, dans la méditation. Je crois que c'est l'un des points les plus importants de la vie chrétienne ici. Donc je vais m'atteler là-dessus un instant, avant qu'on avance dans ce Philippiens chapitre 4. Dans la méditation, c'est-à-dire que lorsque je reste seul à seul, en contact avec la parole, je suis en train de lire. Quand je suis en train de lire, mes intentions, mon entendement, mon intelligence est renouvelée sans mon consentement. Renouvelée sans mon consentement. Ça veut dire que Dieu te règle. Dieu te règle. Vous voyez que vous étiez colérique. Vous disiez la Bible, vous passez le temps à la prière. Quand vous sortez à un moment donné, vous sortez, vous êtes dans le groupe, on fait les choses encore. Vous supprimez de votre réaction. Que vous ne réagissez plus comme vous réagissez avant. Toi, tu commences à poser la question, est-ce que je suis normal? Un temps, tu t'arrêtes même pour te griffer pour savoir si tu as dormi ou tu ne dors pas. C'est la réalité. La réalité, c'est que le miroir de l'âme est puissant parce que celui qui l'a fait est puissant. Quand vous lisez au travers de ce miroir, la Bible déclare, regardez bien attentivement, la Bible déclare que quand nous contemplons dans ce miroir-là, nous sommes transformés par cette même image-là. Vous avez vu ça dans la Bible? Nous sommes transformés par la même image comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, allez dans la Bible. C'est pour ça que les gens n'aiment pas lire. Quand je dis lire la Bible, parce que c'est que la Bible a un pouvoir de transformation inouï. Pouvoir de transformation, la Bible. Alors, quand tu lis la Bible te lit. Un doigt sort de la Bible. Tu entends, ne vous mentez pas, tu fermes la Bible. Tu sais que tu étais menteur. Tu vois, un jour, tu vas ne vous mentez pas. Un doigt de te montrer que tu ne dois pas mentir. Tu es seul à servir la Bible dans la maison. Pour d'autres, ils pleurent. D'autres se mettent à imaginer que le Seigneur, pardonne-moi. Il sort là-bas, il n'est plus menteur. Pourtant, c'est la Bible qu'il a eu à rencontrer. Alors, c'est ces choses que Satan aime attaquer parce que en ces écritures, elles sont révélées la volonté de Dieu pour l'homme. En ces écritures-là que vous lisez, sont dénoncées le caractère de l'homme que Dieu ne veut pas. En ces écritures-là, est dénoncé l'orgueil humain, la vanité humaine. Donc, quand l'homme va là-bas, il va voir que ces choses, si tu es quelqu'un qui aime trop l'argent, tu vas un jour ouvrir, tu lis comme ça là. On dit que ne vous y trompez pas, ni les cupides, tu fermes doucement. On vient de t'indiquer. Comme tu as lu là, tu es cupide. On a dit que tant que tu restes à la cupidité, tu ne retiendras pas le royaume. Tu vas faire comment? Tu sais que celui qui a parlé là-bas, c'est la même personne qui parle dans les psaumes. Donc tu lis les psaumes, tu as été trompé. Tant que tu ne règles pas le problème de la cupidité, il t'a montré que tu es cupide. Tu es cupide, résous le problème de la cupidité. Un jour, tu te désarmes, tu dis, vous entendez les gens dire que moi j'étais prostitué. Quand il faisait prostituer, il ne savait pas que c'est pas bon. Mais la Bible lui a indiqué que c'est pas bon. Vous me suivez ça? Mais tant que dans ce pouvoir de la transformation, quand la Bible ne te touche pas, ne transforme pas ton être, tu vas lire comme ça là. Déposer. Vous allez dans les hôtels, vous dans les motels, vous dormez. On met le Nouveau Testament là-bas, on met le préservatif là-bas. Celui qui a construit l'hôtel, c'est comme ça qu'il met. Il met le préservatif là-bas, il met le dos là-bas. Tu viens dormir, c'est toi qui choisis ce que tu vas utiliser. Des gens viennent, d'autres viennent comme ça. Quand Alexandre a vu la Bible, ça le juge. Il prend la Bible, il met ça sous le lit, que vous dérangez. Eh frère, c'est ça non? Parce qu'il sait que s'il ouvre là, la Bible là lui dit, même sans ouvrir, il sait que la Bible là lui dit que ne fait pas ça. Donc il ne veut pas utiliser la Bible. La Bible a un pouvoir de transformation. C'est donc pour cela que Dieu nous y invite. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Alors ça veut dire qu'il nous amène à sa présence. Il nous appelle à sa présence. Plusieurs fois dans la Bible, il appelle les hommes à venir à lui. Venez à moi et plaidons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. Il a dit ça. Donc, si tu as le péché, ne fuis pas Dieu. Il dit que je vais aller vers lui comment? C'est le moment par exemple pour aller vers lui parce qu'il est miséricordieux pour tous ceux qui l'invoquent. Alors quand tu viens vers lui, il te nettoie parce qu'il a promis qu'il ne vient pas là-bas en juste juge. Il vient là-bas seulement pour te nettoyer. Quand tu viens vers lui pour la repentance. D'accord? On dit qu'il est, il est la miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent. Alors maintenant, ça veut dire que si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui peut arriver donc? Toutes les situations dont Dieu les contrôle. Et par conséquent, je peux être sous attente, n'importe quel événement d'arriver, je sais qu'il va dire silence quand le moment arrivera. C'est pas lui qui a dit aux disciples que traverser dans l'autre bord, pendant qu'il montait sur la montagne pour prier, pendant qu'il montait, c'est lui qui venait sur la rivière comme ça, non? Les gars ont paniqué, non? Pierre a arrêté, comme ça, que Pierre, Jean, c'est toi qui as dit qu'on demande le bateau aussi. Tu es celui qui avait vraiment dit qu'on quitte. Voici le fantôme maintenant, il est où? Les tribulations ont commencé, chacun, le pied de quelqu'un bougeait comme ça, là. Il dit que ne vous paniquez pas, c'est moi. Il dit, Pierre dit, si c'est moi vraiment, si c'est vraiment toi, dis que je viens. Il a dit, viens. Viens. Un être humain a commencé à bosser, à marcher sur l'eau. Après, il arrive quelque part maintenant. Les pensées humaines sont venues. Pierre, Tom, tu penses que c'est normal que tu marches sur l'eau? Et si tu marches comme ça, le type qui est là-bas, t'attrape comme ça, tu deviens fantôme. Il dit, hé, hey. Il regarde le bateau loin, il dit que je fuis ou je ne fuis pas. Le voilà maintenant dans l'eau. Pour dire quoi? Ça veut dire que pour Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a des gens parmi nous qui ne savent pas nager. Quand tu vois seulement l'eau comme ça, tu commences à paniquer. Mais il dit à Pierre, Comme tu as dit que tu veux venir vers moi, viens. Comment est-ce que tu ne vas pas marcher sur l'eau, comment ça va marcher? Lui, il a compris que ce n'est pas normal. Alors, c'est pour dire quoi? L'eau là où on pourrait se noyer, il commence à marcher dessus. Donc, pour lui, il n'y avait pas de problème. Pour Jésus, il n'y avait pas de problème. Remarquez dans la Bible, vous allez remarquer qu'il n'a jamais eu regardé quelque chose comme problème. Jamais. Et tous ceux qui étaient dans ton intimité, qui étaient dans le cœur du Père, étaient dans la même situation. Regardez le prophète Élisée, dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, chapitre 5. Observez-le agir. Observez-le. Il s'assoit comme ça avec Géasi, son serviteur. Quand c'est pour serviteur, quand c'est pour chanter le cantique, hein, c'est lui qui coordonne tout le cantique. Géasi, oh, Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Dieu, j'étais malade. C'est ça, non? Même s'il n'était pas malade. Alors maintenant, le moment de l'épreuve arrive, le test de l'épreuve de la foi de Dieu que tu chantes. Un jour, s'est levé le matin, il a dit, il a vu dans les montagnes, les soldats avaient les épées comme ça, quoi. Il n'a pas fini ce débat. Il a dit, on est fini ce débat. Alors, c'est ici qu'on regarde les vrais chrétiens. Il a regardé comme ça, il a dit, d'abord, je ne suis pas de l'église ici. Je venais seulement sur le type sur le grand matin ici, là. Seulement tombé en embuscade. D'abord, vous savez où, de tel recours, vous savez comment les gens font pour fuir. Vous devez fuir la maison rapidement. Alors, il a senti que la Bible déclare qu'ils étaient pleins là-bas. Il est allé vers le serviteur Élisée, il dit que on est fini. Tu avais dit que ton genre de prédication que tu prêchais ici contre l'État là, voilà ça maintenant qui nous a pris aujourd'hui. On va faire comment? Élisée était étonné de Géasi. C'est une vieille Géasi, mais quel est le vrai problème? Il dit, toi, tu crois que parce que tu as vécu ta vie, tu es là vieux, tu ne peux pas comprendre les situations des jeunes. Tu ne peux pas comprendre les situations des jeunes. Moi j'ai encore une vie devant moi. C'est même maintenant, il peut encore faire la famille. Mais voilà ça maintenant, toi tu es là vieux. Donc, même si on te dit, c'est pour ça que tu ne veux pas voir. Il dit, oh Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il voie. Frère, quand il a dit ça, ouvre les yeux pour qu'il voit, il s'est tourné vers la même montagne où il y avait les soldats humains. La Bible déclare qu'il a vu les multitudes des chars, des anges qui étaient là-bas. Amen. Il a commencé à dire que je suis de Jésus, que j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le grand Dieu et ciel au haut. Parce qu'il a vu. Mais Élisée, que lui ne voyait pas le physique, il a dit que ne t'inquiète pas parce que ceux qui sont avec nous sont plus puissants, plus nombreux que ceux-là que tu vois. Il a guetté comme ça que tes soldats sont hauts. Toi, tu vas voir tes soldats, mais il voit les soldats là-bas. Parce que l'être humain, les problèmes physiques sont physiques pour lui. Il se limite sur le plan physique parce que les cinq sens lui donnent les informations. Alors, les cinq sens peuvent te donner les informations qui sont réelles sans être pourtant vraies. Les cinq sens peuvent donner les informations vraies. C'était vrai que les anges, que les soldats étaient là. Et c'était aussi vrai que c'est comme ça, leur vie est mal barrée. Mais la vérité, c'est que quand le Seigneur approuve les voix d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis à le servir. Voilà la vérité. Il faut donc qu'il y ait l'ennemi quelque part à côté de toi pour que Dieu puisse le disposer à ton service. Vous voyez, je placerai en face de toi la table, en face de tes ennemis. Vous avez vu l'histoire d'Esther, dans Esther, Amman et Mardoché. Vous avez vu ça, n'est-ce pas, frère? Quelqu'un qui est resté comme ça, il a sauvé, il a fait une bonne action pour le roi. Il y avait un coup d'état, il a fait, on l'a mis. Il est resté tranquille, personne n'a fait parce qu'il était juif, on l'a oublié. Ce n'est pas oublié. Je vais juste prendre les six comme ça pour vous expliquer les choses qui arrivent. Alors il est resté là-bas, il y avait la matrice parce qu'il y avait un temps de Dieu qui devait ressurgir cette même situation-ci pour que son nom soit glorifié. Mardoché est resté là-bas méprisé, on a commencé à mépriser les juifs là-bas en Suisse, mépriser les juifs là-bas, juste parce qu'un homme dit qu'il faut qu'il tue les juifs, qu'il tue les juifs. Ah Seigneur, on ne peut pas savoir comment Dieu fait les choses. Il contrôle le temps et les circonstances. Le monsieur qui avait dit que, le roi dit que, je veux honorer telle personne, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit que, mais, il rentre à sa femme, il dit que, mais, comment tu penses que si c'est dehors, dans cette position, on va honorer quelqu'un, après le roi c'est qui? Mais là, c'est toi. Il dit oui. Dans ce cas, il faut qu'il mette le standard haut. Un homme qu'on veut honorer, hein, tu fais les cheveux comme ça, là, on l'honore bien, on passe devant tout le monde, on siffle pour telle personne est honorée. Parce qu'il voulait se présenter devant les gens. Il ne savait pas que c'était la personne qu'il méprisait justement. Qu'on demandait comme ça. Mais comment cette personne qu'on méprisait est arrivée à ce niveau? Il avait fait quelque chose écrit dans le livre. La Bible déclare qu'un jour, le roi ne trouvait pas de sommeil. Donc un jour, le roi ne trouvait pas de sommeil. Donc Dieu peut décider que le président ne dort pas à cause de toi. Vous avez vu ça? Oui frère, c'est la Bible ça. On dit le roi ne trouvait pas de sommeil. On a dit qu'inviter peut-être les danseurs vont le distraire. Il s'est assis sur le train pour ça. Le train venait ting-ting-ting-ting-ting. Il dit, c'est pas vos coups de rien là, ça me fait rien aujourd'hui, pardon, sortez. Il a appelé les échansons. Ils sont venus verser le vin. Le toucher le vin. Il dit, c'est pas ça. Quand Dieu crée ces choses-là en toi, le truc de la satisfaction, tant que tu ne fais pas ce qu'il veut, tu peux être tranquille. Il a testé tous les goûters du monde. Testé tous les goûters du monde, ça n'a pas donné. Après, il a dit maintenant que peut-être ce sont les lecteurs qui vont me lisez-moi quelque chose. on a pris le livre des souvenirs des rois. On a commencé à lire. L'autre l'a lu aussi, premier pas. Parce que quand le roi ne dort pas, c'est vite, il ne peut pas dormir. Il lit chapitre 1, il dit, le roi a celui de continuer à lire. Dit que, ben, dans son cœur, il dit, ben, le roi, c'est le guérange. Comment le Seigneur n'est pas venu? Il lit, il lit. Juste à ce moment-là, quelque part, on a dit que Mardochée avait exercé un coup d'état qui devait être ici. Après, il dit, hey, stop, tu as dit quelle histoire là? Il avait sauvé le roi d'un coup d'état. Après, il dit, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Il dit, rien. Voici donc le pourquoi le sommet ne venait pas. Donc Dieu n'oublie aucun bienfait de ses enfants. Vous voyez cela, n'est-ce pas? À partir de là, il a fermé le livre, il s'est couché, maintenant le sommet est rentré. Le lendemain, il a dit comme ça, et c'est son ennemi, l'ennemi de celui qu'on voulait tuer, qui va venir maintenant le servir. Il disposera tes ennemis à te servir. Celui-là n'a pas prié que j'envoie le feu sur Azurus, j'envoie le feu sur Amal. Il était resté dans le silence, Dieu agit. Si les chrétiens pouvaient entendre ces choses, garder le calme dans le silence, parce que le Dieu que nous servons est le Dieu qui contrôle le temps et les circonstances, et qu'il a déjà donné la solution, que quel qu'en soit ce qui arrive, Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Quand il était sur la terre physiquement, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Quand il était dans l'ancienne alliance, il avait dit que ne vous effrayez point, que ne vous en armez point, prenez courage. Il avait dit ça. Alors il a dit, mais voici là maintenant, dans l'esprit. Quand il est dans l'esprit, vous êtes avantageux qu'il m'en va. Parce qu'il ne m'en va pas, l'esprit ne viendra pas. Et si là, l'esprit vient, il conduit toujours ce qu'il avait dit dans l'ancienne alliance, que ne vous inquiétez pas. Donc pour Dieu, il n'y a jamais de problème. Ils sont dans le bateau avec Jésus en train de dormir physiquement. Comme vous dites que si Jésus était physiquement là, si Jésus est sur la porte ici, il reste seulement tranquille. Vous avez dit que je suis là. Tu vas dormir un jour, deux jours, trois jours. Il dit que mais c'est même normal qu'il dort sur la porte ici. Parce que s'il dort dans la chambre, peut-être il ne peut pas sortir par derrière. Donc, il va falloir qu'il soit sur le cheveu de ton lit. Alors que quand il est en esprit, il peut maintenant tout faire sans même te demander. Et il nous en a délivré de beaucoup de choses sans votre consentement. C'est le jour où il te présente une vidéo, tu vois vraiment là où ça, tu sors, tu commences à voir. Alors, ils étaient dans le bateau avec le Seigneur Jésus-Christ. Le bateau a fait boum, boum, boum. L'eau entre. Ils enlèvent 5 litres, 10 entre. Ils enlèvent 5 litres, 10 entre. Ils ont dit que tu trouvais la solution si c'est grave. Ils ont dit, maître, nous périssons. Ça, c'est les disciples qui sont avec Jésus, physiquement là. Nous périssons. Jésus se lève. Il regarde le vent, il dit, silence. Le vent se calme. Le reste, chacun avec le reste de ses silence, le vent ne parle. Jean, qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, j'ai entendu silence. Il y a encore le vent? Non. C'est ne pas normal. Le type, si vrai, là, nous marchons même avec qui? Après, c'est tourné vers eux. Il dit, votre problème, vos vrais problèmes là, c'était quoi aujourd'hui? Vous disiez quoi? C'est là que vous voulez périr, c'est quoi? Personne ne pourrait plus parler. Pourquoi? Parce que les yeux étaient fixés sur les difficultés qu'ils faisaient face. Sur les problèmes dont ils faisaient face. Alors donc, les épreuves que nous traversons sont des signes et des enseignements de Dieu. Donc il y a des enseignements de Dieu qui se cachent derrière les épreuves. C'est la deuxième partie que nous allons voir ce soir. Vous voyez? C'est la deuxième partie. Nous continuons dans ce que nous avons vu la dernière fois. Comprendre la voie, les directions, les choses de Dieu, les enseignements de Dieu derrière les épreuves, les difficultés. Nous avons vu ça la semaine dernière, n'est-ce pas? Donc, je vais faire un bref récapitulatif avant d'avancer. Donc, dans ce Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, dont vous avez des besoins. On veut le dire ça. Vous avez des besoins. Ne les gardez pas pour vous, que Dieu sait ce qu'il veut faire. Si tu as un besoin, tu dis que non, Dieu sait qu'il veut faire telle chose. Il sait déjà. Oui, la Bible déclare qu'il sait déjà de quoi vous avez besoin. Mais il a dit, faites-les connaître. À Dieu par des prières. Beaucoup de prières. Donc, Seigneur, tu sais que vous êtes la voiture. Puis, au nom de Jésus, Amen. Tu restes tranquille. On a dit des. C'est au pluriel. Remarquez, au pluriel, on n'a pas dit deux fois. On n'a pas dit trois fois. On a dit des. Donc, autant de est-ce que possible. Autant de est-ce. Le pluriel commence par au moins deux. Donc, tu pries une fois, tu restes tranquille. Tu as ton problème. Si tu fais avec deux fois, ça ne marche pas. Donc, ton pluriel n'est pas encore pluriel comme il faut. Avec des prières. Des supplications. Il dit, veillez avec action de grâce. Puis, pourquoi je vous ai fait aller dans ce verset particulièrement, c'est parce que j'ai dit tout à l'heure là que, en réalité, la paix de Dieu, la paix n'est pas conditionnée par l'extérieur. C'est pour ça que nous sommes allés dans ce verset. Ne vous éloignez pas chaque fois quand je parle. D'accord? C'est là qu'il nous a amené. Il dit, mais c'est de l'intérieur, parce que tu peux être troublé excessivement avec le bien matériel confortable à l'extérieur. Il dit bien, tu peux être troublé excessivement. Avec le bien matériel, je suis troublé. Vous savez, il y a un cantique là qui change de quoi? Le cantique. Et il chante entre vers au matin, quand un ciel sans nuage, sans annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait trembler le pèlerin. Donc dans ce cantique-là, donc il dit veille au matin. Il dit que quand un ciel sans lumière, donc même si la météo dit que plus si la température sera bien aujourd'hui sur Doha, là, ça c'est la température à l'extérieur. Donc même si la température, le climat est bon à l'extérieur, l'orage peut grandir que dans le cœur. Donc il peut y avoir des situations de panique à l'intérieur. Ça fait trembler le pèlerin. Je dis que mais, ma vie sur la terre, ce n'est pas de sens. Pourtant, le climat et la température sont au beau fixe. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que pour gronder l'orage qui fait trembler le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Donc quand les situations semblent calmes à l'extérieur, sondez l'intérieur pour savoir si vous êtes en stabilité. Quand les situations semblent stables à l'extérieur, confortables à l'extérieur, vérifiez votre quiétude interne. Si vous êtes stable sur le rocher des siècles. Si vous n'êtes pas stable sur le rocher des siècles, ça suppose que les vagues déferlantes et des persécutions humaines qui peuvent surgir vont vous faire bouger, tomber dans le sable mouvant, donc faire monter votre cœur. Donc, vous prenez chaque fois votre vie, vous mettez seulement sur les relations, sur l'extérieur. Il me faut le travail, il me faut ceci, il me faut ceci. Et si le travail arrive maintenant, on te met des bâtons dans le roi avec le travail, et qu'il y a des sorciers à ton lieu de service, des gens veulent te tuer pour ton poste, qui est-ce que tu vas invoquer? Qui? Regardez tous les personnages de la Bible dont Dieu nous a représenté. Depuis Joseph, Moïse et autres. Regardez tous ceux qui travaillaient, qui étaient dans l'intimité avec Dieu. Quand il y avait des situations de bataille, c'est Dieu qui combattait pour eux. Parce qu'ils ne s'appuyaient pas d'abord sur leur service, mais sur le Dieu qui les a suscités. Et chaque fois, toute personne qui se lève contre ce Dieu-là. Je ne sais pas ce que vous saisissez. Parce que le problème, c'est que l'ennemi concorde dans les ténèbres, le Dieu de lumière met toutes les pensées en lumière. Verset 7. Et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Vous avez vu ça, frère, c'est merveilleux comme verset biblique. Il dit que ne vous inquiétez de rien. Donc il y a une situation d'inquiétude. Mais quand tout, dans tous vos besoins, dans toutes les situations, toutes les épreuves que vous avez, faites-les connaître. Donc Dieu veut dire, vous avez quel problème avec vous? Ne gardez pas ça pour vous. Déchargez ça sur lui. L'apôtre Pierre dit, dans ce film, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit que déchargez-vous sur lui. Donc, vous n'avez pas de difficultés à porter. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il dit, car lui-même prendra soin de vous. C'est ça? C'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit, frère? Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. C'est ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il lui-même prend soin. J'aime ces paroles-là. Quand il lit la Bible, il vous cite, il vous demande chaque fois, faites attention. Il ne dit pas qu'il prendra soin. Parce qu'il n'est pas le Dieu du futur. Il veut que tu le vives instant après instant pour plonger dans le futur. Il est car lui-même prend soin. Chaque chose que tu fais dans la vie, il est derrière pour te soutenir. Vous voyez? Il dit dans ce verset 7, il dit et la paix. Il dit que quand vous faites toutes ces choses avec la supplication, des prières, des supplications, en y faisant avec action de grâce, plus vous êtes dans la prière, dans la supplication, Dieu conforte tes pensées et ton cœur, préserve ton cœur. Oui, et la paix de Christ. Remarquez bien, je veux que vous voyez cela. C'est pour cela que je suis allé dans ce verset-ci. Parce que je suis allé dire que vous pouvez avoir des situations de stabilité à l'extérieur, mais vous n'avez pas la paix intérieure. Mais vous pouvez avoir des problèmes, tellement de problèmes. Vous déchirez ça sur Dieu. L'extérieur est arrivé avec ces problèmes-là. On dit, mais ton problème, si tu as fait ça comment? Tu dis, quel problème? Je n'ai pas de problème. Après, il y a un sorcier, moi, je dis que vous savez quoi? Je vous avais dit que les gens dans l'église-là, on lave leur cerveau. Vous avez son père est mort. Il a pleuré. Peut-être c'est même son pasteur qui a vendu. Peut-être chez eux, on a demandé une personne, il l'a donné. Vous voyez que c'est une personne normale, mais quelqu'un, son père, mais il ne pleure pas. Non. On a lavé son cerveau. En fait, on n'a pas seulement lavé ton cerveau, comme le verset dit, on a aussi lavé ton cœur. Parce qu'il a dit que, et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, donc les gens, ce que les gens peuvent penser, il dit gardera votre cœur, votre pensée en Jésus-Christ. Autrement dit, quand Jésus garde ton cœur, il n'y a plus de situation de panique. Tu sais tout simplement que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand les pensées arrivent, la pensée est gardée en Christ. Tu commences à penser comme le Seigneur veut. Tu ne penses plus comme les autres pensent. Parce que tu vas dire que, wow, Seigneur, je suis foiré. Je suis foiré. Un jour, tu ouvres la Bible, tu avances. Philippiens, tu lis des choses, tu tombes dans Hébreu. Tu vas au chapitre 13. Tu vois, verset 5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Tu grattes la tête comme ça. Il dit, car Dieu lui-même a dit, dans ce verset 5 du chapitre 13 d'Hébreu, Dieu lui m'a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon aide. De qui pourrais-je craindre? Il ne peut pas craindre un homme parce que le Seigneur est son aide. Donc il n'y a pas de crainte à faire, même si un homme fait n'importe quoi. Alors tu dis que tu fuis, tu vas. Tu lis Ecclésiaste. Oh, j'aime l'Ecclésiaste. Tu regardes. Tu arrives au chapitre 4, verset 37. Verset 7 du chapitre 4 dit, tu ouvres. Il dit que vaut mieux une main pleine avec du repos que les deux mains pleines avec du travail et poursuite de vent. Donc, si je travaille beaucoup, je gagne encore beaucoup, gagne beaucoup. Et que c'est poursuivre la vanité, ça ne sert absolument à rien ce travail-là. Donc, mieux, je me contente de ce que j'ai. Même si c'est une main seulement, je mange. Mais pourvu que je sois dans le repos. Et il a dit, venez avant tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Donc, si je serve le Seigneur, ce qui me donne, je dis, merci Seigneur. Vous voyez ça, frère? Alors, quelqu'un dit que reste là, tu dors. 5 heures, il sort. 8 heures, il est là, il rentre, il ne peut pas lire la Bible. Mais toi, tu es dans le lieu de repos. Je veux que vous compariez cette histoire avec Ésaü et Jacob, les deux frères. L'autre qui était sur place, calme, à qui la grâce est venue pour appeler. Et l'autre qui sortait chaque fois pour aller chasser. Vous croyez que la bénédiction est faite par les efforts? Observez bien qui a été choisi. Donc, faisons attention. D'accord, frère? Ok. J'ai donc dit, après avoir lu ceci, on va aller dans 1 Timothée, chapitre 3. C'est ce qu'il avait dit tout à l'heure. Allons-y donc. 1 Timothée, chapitre 3. Oui. Oui. Allons-y. Cette parole est certaine. Non, 2 Timothée, chapitre 3. Prenons le chapitre 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 3. Allons-y, partie verset 1. Sache que dans les derniers jours. Stop. Nous sommes dans les derniers jours. Amen. Nous sommes dans les derniers jours là. Amen. Ok. Il dit qu'on doit savoir cela. Il dit, sache que dans les derniers jours. Allons-y. Il y aura des temps difficiles. Stop. C'est pas le mot de parler, j'aurais souhaité parler, mais comme ça donne avec les enseignements qu'on va faire maintenant là, on dit qu'il y a une situation qui va causer des temps difficiles. On dit, sache cela. On doit savoir cela. Continuons. Car les hommes seront égoïstes. Vous avez vu cela? Allez, cette prophétie s'accomplit dans les pays où on commence à lutter contre la loi de Dieu. Un système qu'on va se mettre en place, les gens croient qu'ils vivent bien, mais ils sont totalement dans la délusion. Continuons. Amis de l'argent. Stop, vous avez vu, non? N'importe quoi aujourd'hui, tout autour. Et quoi que la semaine dernière, nous avons vu dans la première partie de la semaine, nous avons vu effectivement que tout le travail de l'homme, dans ce livre de Ecclésiaste chapitre 6, verset 7, nous avons vu que tout le travail de l'homme, c'est pour sa bouche. Et jusque-là, il n'est pas satisfait. Il ne satisfait pas ses désirs, n'est-ce pas? Maintenant, ils disent que dans les derniers temps, ça sera caractérisé par l'égocentrisme, l'égoïsme et l'amour de l'argent. Donc, l'amour de l'argent, la soif de l'argent. Pourquoi? Parce que le monde qui hait Dieu va présenter un standard où les gens vont vouloir suivre. Le standard, c'est quoi? C'est que pour réussir dans la vie, il faut être vraiment quelqu'un qui a bien fréquenté. Quand tu fréquentes, tu as un bon travail, tu vois, de temps en temps en première classe, tu as une belle maison, une petite villa, et tu as même chez toi l'électricité, quoi, les énergies renouvelables, avec un gardien qui t'ouvre la porte, ta Mercedes, que tu as une voiture ou que c'est un homme qui te conduit. On dit donc que tu as réussi dans ta vie, dans le standard humain. Et par conséquent, ce qu'on appelle en anglais « achieve » même, « goal to achieve ». Donc, c'est le but de la vie des hommes maintenant, tourne autour de cela. Ce doute aussi, sur le sud américain, on appelle ça le rêve américain. Donc, tous les films tournent autour. Comment on peut sortir du néant, comme ça on devient quelqu'un par les efforts. Vous voyez ça, frère? Voilà comme ça. Mais il sache que les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Allons-y. fanfarons. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc, ils sont bêtes seulement. Continuons. Hautains. Blasphémateurs. C'est pas ça, frère. Quand je salue quelqu'un, je dis que j'arrive, il dit que non, en venant, prends les mains de Jésus. Arrête les mains de Jésus pour dire, pour se moquer que Jésus, depuis qu'il a dit qu'il vient, il ne vient. C'est toi qui as dit que tu vas venir, tu vas venir. Allons-y. Rebelles à leurs parents. Stop. C'est le verset que je voulais. Vous avez vu? Bon, donc, voici les quelques les esprits qui sont censés agir dans les derniers jours. Les esprits rebelles à leurs parents. Donc, on s'attend donc à une recrudescence inconsidérable de la rébellion face vis-à-vis des parents. Nous, ici, on ne peut pas comment, on peut pas savoir cela, mais ceux qui sont en Europe, qui sont en Occident, savent ce que ça veut dire ça. Rebelles à leurs parents. Et l'esprit de rébellion vient de qui, frère? Vous avez peur de lui? Quand vous dites du diable, comme si vous avez peur que vous dites comme ça, il vient vous arrêter. Il dit, les enfants seront, c'est une prophétie. Il dit, sache, vous devez savoir que dans les derniers jours, si vous voulez, dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Et donc, il faut qu'il y ait des mécanismes sur place qui va faire que. Donc, il y a les enfants qui seront rebelles à leurs parents. Voilà pourquoi l'une des conditions pour les diacres et les anciens de l'église, c'était que les enfants ne soient pas rebelles. Donc, chez les pasteurs, les enfants des dirigeants de l'église, on ne doit pas trouver la rébellion, les traces de la rébellion, parce qu'ils sont censés être les modèles. Donc, il faut diriger les enfants dans la soumission, dans la loi de Dieu. Vous entendez en Europe, un pasteur homosexuel, son enfant est homosexuel, présent même des associations des homosexuels. Et il dit qu'il est ancien de l'église. Et la Bible déclare qu'il faut que l'ancien soit irréprochable, ami des gens de bien, ami des gens de bien. Que ses enfants ne soient point accusés de débauche, même pas qu'ils ont commis. Qu'on ne dit pas que la fille était pasteur, on l'a vu coucher, on ne doit pas l'accuser. Qu'il tienne sa propre maison dans la soumission. Parce que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? La Bible pose la question. Mais aujourd'hui, ils ont répondu à l'apôtre Paul et au Saint-Esprit que notre maison peut être dans le désordre. Ils sont quand même là. C'est ce qu'ils ont dit à la porte pour nous donner la réponse. Mais ça, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Parce que si c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ, les gens s'élèveront pour leur dire, ta fille a accouché à la maison. Toi, tu vis dans la polygamie. Ou bien toi, tu es divorcé. Tu n'es pas digne de prêcher. C'est l'église là. Mais comme c'est quelqu'un qui dit que, ah non, Dieu, qui es-tu pour juger la sévérité de Dieu? Et la Bible a donné les règles. Ne touchez pas à mes oies. Que qui es-tu? Et la Bible déclare, André dit qui il est. 19 conditions sont mises pour les anciens et les évêques. Que pour qu'un évêque soit là, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Il y a des pasteurs qui ont 3 femmes. Vous voyez cela? Il dit marié, c'est ici là que ça se passe, ici. Marié d'une seule femme. Que ses enfants ne soient pas, qu'il tient ses enfants dans la soumission. Le pasteur dit à son enfant qu'entre le pasteur, l'enfant dit que hey, t'es tout de Jésus, je ne suis pas sur ça. Il continue à prêcher. Il nous faut la repentance seulement. Vous voyez de tels pasteurs, dites-lui, dépose la Bible, va dans la prière parce que quelque chose a raté. Tu as raté quelque chose dans l'éducation de ces enfants-ci. Tu as laissé l'esprit de rébellion entrer dans leur cœur. Donc Dieu interdit ça dans la vie des anciens. On a dit ici que sache que dans les derniers jours, n'est-ce pas, les enfants seront rebelles à leur. Mais pour les dirigeants de l'église, Dieu ne veut pas ça. Comme vous avez dit, Timothée, lisez 1 Timothée chapitre 1, là, verset 5 et suivant. Après, on va rentrer dans 1 Timothée chapitre 3, que nous avons lu tout à l'heure, que vous avez lu tout à l'heure. Allons-y, c'est toujours toi qui lis. Timothée chapitre 1. Lis le verset 5, allons-y. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Oui. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Oui. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, stop, vous avez suivi. Continuons. Qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Vous avez entendu ça, non? Voilà les gens qu'on doit établir. Continuez. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Stop, vous avez entendu? Mais les évêques ont dehors, les enfants dehors partout. Même pas les évêques, c'est bon. Ils ont décidé de mettre arche sur ça pour que ça soit archevêque. Mais ils ont des enfants partout. On dit ici qu'il faut que l'évêque soit irréprochable. Si l'évêque est irréprochable, ça veut dire que s'il y a l'archevêque, l'archevêque doit être très très irréprochable. Donc c'est archi-irréprochable. Continuons. Comme économe de Dieu, oui. Qu'il ne soit ni arrogant, oui. Ni colère, oui. Ni à donner au vin. Va les voir dans les festins aujourd'hui. Ni violent, oui. Ni porté à un gain. Il te pose le soutien aujourd'hui, bagarre, juste parce que c'est le monde qui vient de séparer. Ni porté à un gain déshonnête, oui. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, oui. Modéré, oui. Juste, sain, dans la tempéré, oui. Et tempérant, oui. Voilà, ça va. Donc, vous avez vu, non? Mais là, je voulais vous amener, c'est que au niveau de leurs enfants. Et la loi dit sur la terre, chez les Occidentaux, pour le moment, quand les enfants, les parents ne doivent pas taper l'enfant. Et lui, étant maître, quelqu'un qui est censé être établi sur les gens pour pouvoir faire ces choses-là, diriger les gens, lui ne doit pas taper ses propres enfants parce qu'il est pasteur. S'il tape, on veut aussi l'enfermer comme les autres. Et là, son enfant va aussi être rebelle comme les enfants des fidèles. Donc, normalement, les pasteurs et les autres qui nous écoutent dans les zones européennes doivent être les premiers à amener les enfants au niveau de la seule assemblée. Chicotez les enfants là-bas, que prenez vos enfants, prenez, chicotez, oui, chicotez, ta, ta, ta, qu'il y ait un pleur sanctifié au milieu de l'église. Quoi? Une pleur sanctifiée, c'est-à-dire qu'une série de pleurs où les enfants pleurent parce que la pluie vient. Qu'est-ce qui ne va pas se dire? Dans votre église, on tape les enfants, ils disent que oui, on arrête tout le monde. On leur demande, qu'est-ce qu'il y a? Vous dites que je suis en train de suivre la loi dit ici. Ils disent que la loi de notre territoire dit ceci. Je dis que à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc celui qui a le territoire, si ce n'est pas un Français qui a la France, c'est Dieu qui a la France. C'est Dieu qui a l'Europe, c'est Dieu qui a l'Afrique, c'est lui qui a cela. Donc c'est son commandement qui domine tout le commandement. Ce n'est pas la charte de l'Union européenne. Parce qu'avant la charte de l'Union européenne, il y avait les concordats qui ont existé. Il y avait des canons qui ont existé, qui n'existent plus. La charte européenne va passer, mais sa parole demeure éternellement. Donc, si vous dites que vous avez la vie éternelle, vous devez marcher éternellement avec cette parole-là. Amen. Dans la semaine dernière, nous avons commencé par lire le livre des Proverbes chapitre 2. Et les versets nous ont interrogé, le Seigneur nous a interrogé au travers de ces versets-là, particulièrement. Il a donné des conditions, une série de conditions. Si, parlant de la science, par rapport au cœur, parlant de tout cela, dans Proverbes chapitre 2, il a dit si, après, il a commencé à donner, alors. Et par la suite, il a dit que lorsque ces conditions seront réalisées à nous, non, nous pourrons nous éviter de telles choses. Vivre comme ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. D'accord? Et un verset nous a intéressé particulièrement, le verset 4, où il a commencé le premier alors, le dernier si. Il a dit que si tu cherches la sagesse comme on cherche de l'argent, et nous sommes aidés véritablement beaucoup là-dessus, n'est-ce pas? Si on cherche Dieu comme on cherche de l'argent. Et là, le Saint-Esprit nous a enseigné en disant que si vous voulez chercher Dieu, il n'y a pas deux écoles pour aller chercher. C'est dans votre propre vie, vous devez savoir comment chercher. Alors la question c'est, comment est-ce que je cherche de l'argent? C'est-à-dire que les moyens de subsistance, comment il fait pour survivre? Comment est-ce qu'il me bat pour survivre? Il dit, c'est cette façon-là que je dois chercher Dieu. C'est pas ça, frère. Ça nous a conduit donc jusqu'au niveau où on a vu Ésaïe chapitre 48. Je suis en train de faire un bref rapidement pour qu'on avance. Nous avons lu Ésaïe chapitre 48, le verset 8, Ésaïe chapitre 48. La partie B nous a dit une chose, que Dieu avait choisi Israël. Je vais commencer par dire que Israël avait été un peuple de loi que Dieu a choisi pour manifester sa loi. D'accord? Alors, dans le verset 8 d'Isaïe, Dieu dit, avant, parlant d'Isaïe, le peuple d'Isaïe, il a dit que avant que tu ne sortes dans le ventre de ta mère là-bas, Dieu savait qu'il serait quoi? Infidèle. Que Dieu savait qu'il devait être infidèle. Vous voyez que dès qu'ils sont sortis, ils ont été appelés rebelles. On se pose la question, comment un peuple qui est sorti, quand Israël est né, on l'appelait rebelle. On est allé dans l'étude pour voir comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte. De pourquoi, comment la rébellion se manifestait au travers d'eux. Malgré cela, Dieu les a aimés. Dieu ne choisit pas les gens parfaits pour les rendre parfaits, non. Il choisit les gens imparfaits pour les communiquer sa perfection. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dieu a choisi Israël comme ça, malgré qu'il savait qu'il était rebelle. Il dit, il savait que tu devais être infidèle. Il dit que depuis le jour de ta naissance, tu fus appelé rebelle. Donc, par naissance, Israël est rebelle. Et nous sommes allés voir dans le livre des Nombres, chapitre 11, l'histoire de Caïn et de Man, comment ils ont dit, c'est une nourriture misérable. Et c'était Dieu avec Moïse. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la nature qui se trouve dans Israël qui est en train de se manifester. N'est-ce pas? Alors, comment Dieu va résoudre les problèmes de cette nature qui est là pour pouvoir travailler au travers de nous? La Bible déclare donc, en nous révélant que ce n'est pas les épreuves de la vie que Dieu enlève de nous les déchets. Ce n'est pas les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie sont comme le feu qu'on met pour brûler de la graisse, que la graisse sort de chair. Les épreuves de la vie. Donc quand tu as les épreuves dans ta vie, c'est pour enlever ce qui est des déchets et faire présenter ce qui est des meilleurs. Et nous avons pris cet exemple-là de l'or qui est pêché loin dans la boue. Après qu'on enlève de la boue, on nettoie d'abord. on nettoie. Tu dis, oh, je suis en Christ, je suis en Christ. C'est pas le début du commencement du problème et du nettoyage. Tu arrives maintenant en Christ, on dit que donc, la boîte de nuit s'est terminée, tu dis que merde, on ne m'a pas dit l'autre ici. On n'a pas tout été dit avant le départ. Il y a des préliquis, tu dois savoir. Quand tu es en Christ, tu dis, oh, je suis en Christ, maintenant ma vie dose. Parce que peut-être il y avait ce problème que Dieu a résolu. Tu crois que ça a résolu? C'était seulement là. Si Dieu te faisait un clin d'œil, que viens. Tu viens, tu crois que c'est bon. Oh, Dieu est bon, il m'a fait du bien. Un jour, tu pleures comme un an, il ne répond pas. Tu dis, merde. Est-ce que c'est même Dieu qui m'avait répondu? Tu chantais donc quoi dès le départ? Parce qu'il a fait un appel de balle pour que tu viennes. Quand tu viens maintenant, c'est pour ça que le Seigneur fait ces choses pour que beaucoup de personnes n'ont même pas de voir les anges, ne voient pas des anges et autres là-bas. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. La période où nous marchons maintenant avec le Seigneur comme ça, c'est la période où c'est le cœur qui doit être connecté avec le haut. Vous devez savoir avec cette vie. Vous allez voir dans la Bible, nous savons. Je veux que vous sachiez. Vous voyez cela? Vous sachiez que vous avez la vie. Est-ce que j'aime la vie? Si la vie éternelle, pourquoi mes jeunes ne veulent pas? Il n'a pas dit que ceux qui ont la vie éternelle, leur problème c'est terminé. Il n'y a pas un verset comme ça. Vous voyez? Il n'y a pas un verset qui dit que si tu as la vie éternelle, tu déposes le dossier que on te prend. Vous avez vu ce verset dans la Bible? Et je veux que vous sachiez que vous avez la vie. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, point. Crois-tu au Fils unique de Dieu? Oui. Donc tu as la vie éternelle, point final. Maintenant, toutes les autres choses, vous pouvez commencer à tourner tout autour. Vous voyez? Vous me suivez, frère? Dans l'Ecclésiaste chapitre 9, dont j'ai cité tout à l'heure, il dit tout arrive à tous. Tout arrive à tous. Si vous voulez donc cela, demandez à Jérémie au chapitre 12, il va vous dire ce qu'il en est. Lui, il a posé à Dieu la question. Il a dit que non, je sais que tu es jugement. Ne me dis pas qu'il te juge. Mais pourquoi le méchant prospère-t-il? Ça a dépassé Jérémie. Au chapitre 12 de Jérémie. Le prophète Assam, lui, dans le chapitre 73, lui, il a dit que ça ne va pas. Remarquez, rentrez dans Nombre, inconnu, et regardez comment le prophète Asaph chantait les lois de Dieu. Chef de chant, chantait les cantiques avec tous les autres groupes de louanges qui étaient là-bas. Il chantait n'importe comment. Quand il finit de chanter, quand il rentre à la maison chez lui, il s'assoit comme ça tranquillement, il a des difficultés. Il dit que, merde, Satan dit tu as chanté, non? Sa miséricorde, Dieu a toujours. La miséricorde, Dieu a toujours. Quand on veut regarder, on regarde les gens, il dit que toi et moi maintenant, tu as la nourriture à la maison. C'est ça. Satan vient avec les circonstances pour nous interroger si oui ou non nous croyons Dieu. Donc, Satan est le répétiteur que Dieu emploie pour nous rappeler nos cours. C'est le répétiteur. Satan, c'est le répétiteur que Dieu emploie pour nous rappeler nos cours. Toutes les paroles de foi que vous recevez doivent être testées. Alors, la vie donc même en elle est une série de tests. Tests. Quand l'enfant sort du ventre, il ne pleure pas. Premier, quand on fait, c'est quoi? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il comprenne que ici, sur la terre, on ne vient pas pour blaguer. Donc, c'est ici. L'autre enfant sort. Quand il touche, quand il se sent pied, qu'il touche dehors, la température qui a changé entre l'intérieur, là où il était confortable, il est celui tranquille. Vous voyez, les enfants sont là tranquilles comme ça. On les monte dans l'eau. Vous appelez ce qu'on met sur le ventre de la femme, on voit sur l'écran là. Dans l'échographie, on le voit. Le gars est sans sécurité. Pourquoi? Et c'est ça les chrétiens, ce que les chrétiens veulent être vraiment sur ce siècle-ci. Ils veulent constamment être le connecté sur la mer. Quand la mer mange, c'est toi qui dois chercher la nourriture pour lui. Hein? Il est jeune. Tu dois veiller sur lui parce que tu tombes mal. Et c'est mon enfant. Tu veux, la femme veut faire une porte. Tu vas faire ça. Il dit, je suis enceinte. Hein? Donc l'enfant, lui, là, tranquille, dans comme ça. Là. Tu ne manges pas n'importe quoi. Il faut sélectionner ce que tu manges. Pourquoi ça ne me dérange pas? Ah, le gars, c'est quoi que ça vit comme ça? Dis à ton voisin que 9 mois va te trouver là-dedans. Si 9 mois arrive, ça passe. On va provoquer ta sortie. Alors, c'est pas vrai? C'est parce que si quand 9 mois, quand tu as 2 mois, 3 mois, tu veux sortir, on t'empêche de sortir. On dit que non, c'est pas le moment. Reste là, tu grandis encore. Quand 9 mois arrive, tu ne sors pas, on dit, mais tu fais quoi là-dedans? Sors. C'est pas ça, frère. Oui, mais Trump. Quand il met les pieds dehors, si c'est le jour de la chaleur, quand l'a accouché, il sent la chaleur du dehors, il dit que mais c'est pas comme ça normal. Que la muqueuse et l'utérine, quoi, le liquide amniotique qui est à l'intérieur, mais gardé de une bonne température. Tu sais que la température, Dieu s'arrange à ce que la température soit non. Quand il fait froid à l'intérieur, il est bien. Quand il fait chaud, il est bien. Dieu a son climatiseur à l'intérieur. Alors quand il met le pied dehors, vous allez entendre, tu entends, avant que le médecin demande s'il a pleuré, c'est lui qui lance des cris comme ça. Waouh! Waouh! Waouh! On dit, c'est vous maintenant, première chose, réaction c'est quoi? Vous donnez le sein que calme-toi. Le gars met la main sur le sein, il y a même des difficultés pour tirer. Parce qu'il y a des médecins qu'on tue, mais pour tirer, c'est un problème, ça ne sort pas. Voilà ses premières épreuves de la vie. Quand il a faim, il faut qu'il élève là-bas pour crier. Alors que là-bas, l'intérêt, quand il était là, il ne criait pas. C'est toi qui savais qu'il devait crier. Quand il faisait un petit peu, comme ça, tu sens que là, il a besoin de la nourriture. Vous avez ça, frère, maintenant, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Quand il grandit, vous commencez à le nourrir. Il dit, mais il vous dit, la vie est faite de séries d'épreuves. Et chaque série d'épreuves, c'est l'apprentissage. Quand tu passes une épreuve, tu n'y viens plus. Vous suivez? Vous avez assimilé, vous avez assimilé que vous avez grandi. Il y a un plus dans vos vies. Et on avance comme ça vers la réalisation de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, lorsqu'il sort du ventre maintenant, on va prendre la nourriture. C'est vous qui le forcez à manger. Il faut parce que quoi? Il faut qu'il grandisse. À un moment donné, lui-même comprend que quand il va aller au champ, tu sors pour aller au champ, lui aussi, il est obligé d'être derrière toi. Parce que la vie est quoi? Dieu. Vous suivez ça? Alors, la vie est faite d'une série, des séries d'épreuves que vous montez, vous descendez, vous devez passer par ces étapes. Notre naissance jusqu'à maintenant devrait nous apprendre cela. Mais après avoir pris toutes ces séries d'épreuves dans la vie, nous arrivons maintenant en Christ, nous oublions le principe. Et on veut maintenant que les choses changent, que les principes changent. Ça ne peut pas changer pour cela. Vous admettez ou non, vous êtes passé par ces principes-là jusqu'à maintenant. Sans vous en rendre compte, vous êtes allé dans cette école-là. Vous avez eu des difficultés. Maintenant, qui ici n'a pas de problème? Si vous n'avez pas de problème, vous verrez, vous déchargez ma part aussi. Qui ici? Nous tous, nous avons le problème, n'est-ce pas? Mais chaque problème a un but précis pour lequel est cela. Pasteur disait donc qu'il n'y a pas de gêne. Pas pasteur, pas un pasteur, pas toi. Le pasteur, c'est ça? Qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a rien qui sort comme ça. Autrement dit, rien n'est pour rien. Il y a un but. Vous tuez les moustiques partout, ça crée un problème, pas vrai? Les crapauds font wow, vous les tuez partout, ça crée ou détruit tout le crapaud, ça crée le problème. Remarquez bien, chez vous, vous allez remarquer, il y a souvent les lézards qui sont blancs. Vous avez remarqué cela? C'est tellement intéressant que la Bible parle même d'elle là-bas. Vous avez remarqué ça, frère? Il dit, mais c'est tellement intéressant. Le lézard là, la Bible parle d'elle. Salomon, quand il a étudié, il est arrivé sur la dit que mince. Et il entre eux dans le palais des rois. Tu peux aller chez le palais des rois, dans le palais de n'importe comment. Lui, il entre lui tranquillement. Si le président le boit s'habille, n'importe comment, il ne fait pas attention, la mouche vient me boire avec lui là-bas. La mouche s'en fout si tu es président de la République, c'est ton problème. Quand celui-là entre dans le palais de l'unité, vous entrez le faire le Congo, c'est là-bas que allons faire telle chose. Détruisons, vous savez, il faut qu'on augmente la corruption dans le corps, on fait comme ça là. Lui là, c'est votre problème. Il vous guette comme ça là. Il dit, j'espère que les gars, ils ne me voient pas. Son but, c'est quoi le papillon? Il a de pousser le papillon qui est allé là-bas. Donc, si vous voulez gâter le Cameroun, gâter le Cameroun, il n'est pas là. Il pousse le papillon. Quand il a un papillon, poum, il ne fuit pas de garder un petit trou là-bas, c'est caché tranquillement. Que si le Cameroun veut maintenant, ça brûle. J'ai déjà mangé. C'est une succession d'épreuves et chaque élément dans la vie est censé nous enseigner. Et donc, lorsque les gens deviennent chrétiens, c'est justement le mauvais enseignement qu'on a enseigné aux gens que quand tu es chrétien, tu n'as plus souffrir, qui a fait que les principes sont en train d'être déprogrammés comme ça. Alors, le principe que vous devez savoir, que ce n'est même pas un principe chrétien, c'est un principe de vie que Dieu a établi, c'est que les difficultés servent pour un but. Chaque difficulté sert pour des buts précis. Et tant que tu n'as pas assumé le but pour lequel c'est là, la difficulté sera toujours là. C'est un peu comme une histoire qu'il raconte souvent. Dieu avait révélé à quelqu'un qu'il y avait une grosse pierre devant sa maison. Dieu lui a demandé que va pousser cette pierre. Il était mince comme ça, là, chétif. Le gars pousse chaque matin. Dieu lui avait dit que chaque matin, lève-toi, pousse cette pierre. Le gars a poussé, poussé. Chaque matin, il pousse, il bouge, il rentre dans la prière. Quand il n'a pas prié, Seigneur, donne-moi la force pour prier, donne la force pour prier. Il part, il pousse. Jusqu'à un jour, il a la vision que j'ai poussé, ça a éclaté. Il croit que c'est la vision qui vient de Dieu. Il se lève le matin encore, il part, il pousse. Il pousse comme ça, les veines sautent, il pousse, c'est son pied qui glisse par derrière, il dit, mais c'est pas croyable. Petit à petit, les muscles sortaient. Il part, il pousse. Après un jour, il se fâche. Il se lève, il pousse, il n'a pas bougé. Il dit, qui t'a demandé de bouger, ça de là. Il a demandé que tu pousses. Il n'a pas demandé de pousser que ça bouge. Parce qu'il voulait que ça pousse, que ça bouge, il te donnait la force pour pousser que ça bouge. Donc les difficultés que nous avons servent pour un but, c'était l'entraînement pour qu'il ait un peu la force. Vous suivez, frère? C'est justement le fait qu'on ne comprend pas le pourquoi de ces choses-ci que nous ne voudrons pas. Parce qu'en fait, l'être humain, normalement, n'aime pas les difficultés. On n'aime pas ce qui nous dérange. Et que vous l'admettez ou non, vous avez regardé que les personnages, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ont été dérangés. Et Dieu le dérange. Et quand vous regardez pour chacun des personnages, vous regardez la finalité que le dérangement a causé. Vous comprenez que c'était nécessaire. Alors quand tu comprends ces choses, Dieu vient t'enseigner que en fait, ta situation, c'est comme ça. Dieu recherche quelque chose derrière. D'accord, frère? Vous permettez qu'on parte dans la Bible là maintenant, on commence à nager. Vous commencez, on y va. Venez dans les Saintes Écritures. La dernière fois, je vous ai donné 1 Corinthiens chapitre 4, n'est-ce pas? C'est ça. Je vous ai donné 1 Corinthiens chapitre 4 la dernière fois. Que vous notiez, la dernière fois. 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5, je vous avais donné également, n'est-ce pas? Je vous ai donné Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au 32. Je vous avais donné cela également. C'est ça, n'est-ce pas, frères et sœurs? Je vous avais donné les psaumes 103, 104, 105. Je vous avais donné. C'est pas ça, hein? Mm-hmm. Nous avons parcouru ces versets maintenant. Et nous avons, souvenez-vous que nous avions commencé dans le livre des Proverbes chapitre 2. On a lu Proverbes, on s'est attardé particulièrement dans un proverbe là où il y avait une femme. On avait dit que la mort, il y a quelque chose de plus grave que la mort. La femme dans le cœur est un piège et un filet dans les mains sont des liens, n'est-ce pas? Et nous sommes atteints là-dessus pour voir quel type de femme était cela. Donc aujourd'hui, prenons le livre d'Ecclésiaste d'abord. Ecclésiaste. Que Dieu vous bénisse. Donc je crois que l'introduction et le rappel nous ont conduit maintenant à que le Seigneur vous bénisse. Merci pour me donner les... Je crois que la dernière fois, nous avons également lu Deutéronome chapitre 8, où Dieu a pris Israël pour leur montrer clairement qu'il les a fait passer dans le désert pendant 40 ans, afin de les humilier et les éprouver. Nous avons lu cela, n'est-ce pas? Dans Deutéronome chapitre 8. Que je t'ai fait passer pendant 80 ans. Dieu ne les a pas fait passer pendant 40 ans tout simplement pour le plaisir. Il a quelque chose qui les faisait traverser là-dedans. Ecclésiaste, je vous arrive, il y a autant que vous notez. Notez aussi Lamentation. Vous y êtes. Lamentation chapitre 3, verset 25 à 48. Notez. Lamentation, chapitre 3, verset 25 à 48. Donc, enlevons nos yeux, nos cœurs et nos pensées des standards des hommes. Reposons-les sur les préceptes de Dieu et nous nous trouverons bien dans notre marche. On appelle donc cela le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence consiste à enlever ses pensées. C'est son style de vie, le style de vie du monde, et de nous reposer maintenant désormais sur le principe du Seigneur. On appelle ça un renouvellement de pensée. D'accord? Renouvellement de l'intelligence. Donc, une déprogrammation et une reprogrammation dans notre direction. Le monde a toujours pensé que, on a toujours la fausse explication, a toujours que si quelqu'un est en crise, maintenant il est une nouvelle créature, les choses ont passé. Christ a tout payé à la croix. Donc, même pour la pauvreté, il a payé. Ecclésiaste chapitre 9. Que Dieu, notre Père, vous bénisse en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va lire quelques passages, on va parcourir Ecclésiaste, lire quelques passages tout simplement. Prenons d'abord chapitre 9, justement, regardez. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 2 là. Regardez. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu et l'amour. Aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Voilà, c'est quelqu'un qui restait, il méditait, il réfléchissait. Vous y êtes. Verset 2, enfin, tout arrive également à tous. Donc, même le pasteur qui vous prêche en disant que si vous êtes dans les difficultés, c'est que vous ne connaissez pas, parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes là. Suivez seulement sa vie. Suivez sa vie. Arrangez-vous seulement que quand il demande que donnez les offrandes pour que je construise de telles choses, ne donnez pas. Vous allez voir comment la vraie nature qu'il a en lui. Celui qui dit qu'il est en Christ, les vestes là-bas à s'enlever. Vous allez voir vraiment. Dieu dit maintenant que frère, la dîme, ce n'est pas pour les chrétiens. Fais attention, ce n'est pas comme ça. Tu as de me mentir. Tu vas voir maintenant la personne qui t'appelait frère. Tu vas voir sa vraie nature. La prédication va tourner autour de toi. Vous allez savoir maintenant vraiment que la main qui met dans la poche, que, parce que vous ne connaissez pas, et quel Dieu je sais. Le Dieu qui sait se trouve dans votre poche à vous. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le pur et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur. De celui qui jure comme celui qui craint de jurer. Donc on dit tous arrive à tous. Donc autrement dit, montre-moi quelqu'un dans la terre, sur cette terre, c'est qui n'a jamais eu de problème, pas au problème humain. Même avant, même ayant connu Christ. En fait, l'histoire de la Bible nous montre clairement que les gens qui ont servi Jésus que physiquement ont parcouru dans les mêmes difficultés. Mettez le doigt dans ces écrits. Alors, quand il parle, vous avez peut-être. Vous aurez remarqué que depuis, j'en ai regardé à l'Ancien Testament, parce qu'en réalité, la Bible déclare à 1 Corinthiens que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Mettez le doigt dans le livre dans cette église-là, si on va y revenir là maintenant, allons dans 1 Corinthiens chapitre 4, dont je vais te donner la dernière fois. Disons, vous savez, il prend toujours le chrétien apôtre par excellence. Suivons-le. Au chapitre 4. Vous avez donné le verset 10 à suivant, n'est-ce pas? Ce que vous avez donné la dernière fois. 1 Corinthiens chapitre 4. Maintenant, à partir du verset 11. Quand vous allez prendre la 1 Corinthiens chapitre 4, il va lire d'abord le chapitre 1, verset 1, pour que vous ayez. Parce que quand il va lire le verset 11, là-bas, il y a quelque chose qui se trouve là-bas. Donc, suivez attentivement. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 11. Mais il va d'abord lire le chapitre 1, le verset 1. D'accord? Le chapitre 1, le verset 1 dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. Combien de personnes écrivent cette lettre-ci? Combien de personnes écrivent cette lettre-ci? Deux personnes. Donc, allons au chapitre 4, donc le verset 11, pour voir quelque chose. Jusqu'à cette heure, nous, entourez-nous. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Jusqu'à cette heure. Donc, à l'instant où on a parlé, hein? À l'instant où il est en train d'écrire cette lettre, où sont en train d'écrire cette lettre-ci, il dit, nous souffrons là. La faim. Regardez-moi. Il dit, nous souffrons là. La faim. Je pose la question. C'est un chrétien qui en a parlé. Oui. Dans ce cas, les pasteurs qui vous trompent en disant que si tu n'as pas la nourriture dans ta mamie, c'est que tu n'as pas cru en Christ. Il veut dire que la pauvre n'avait pas cru en Christ ou pas. Il est en train de vouloir dire que si tu dis que tu manques la nourriture et que tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu n'es pas un vrai chrétien. Donc, il veut dire que la pauvre n'était pas un vrai chrétien, y compris Sosthène. Parce qu'il a dit nous. Il s'est présenté d'abord comme Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. Donc ce sont les auteurs de ce livre-ci. Puis il arrive et il dit que jusqu'à présent, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Il n'a pas dit aujourd'hui nous souffrons la faim. Il dit jusqu'à présent. Donc dès le départ, il souffrait la faim. Il continue à souffrir la faim. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. C'est pas seulement la faim qui est comme difficulté là-bas. Regardez la suite. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, virgule, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Ça, sont les chrétiens. Le chrétien du 21e siècle dit non. Les rois de ce monde, c'est la Bible déclare que tu es roi. Que tu es roi, tu dois avoir ton palais. Lui-même, c'est l'argent que tu veux lui donner comme offrande qu'il prend pour construire ta part. Vous voyez, là on en est. Continuons ici. Il dit, verset 12, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Vous avez vu un roi en train de descendre quelque part pour travailler? Vous avez vu le président en train de sortir quelque part pour aller travailler un jour? Vous avez vu? Quand il passe, c'est vous qui courez pour bloquer les gens qui sont devant lui. Hein? Il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injurés, nous envoyons le feu. Hein, frère? Maintenant, dis à un pasteur, maintenant que frère, c'est comme ça. Il t'a dit que je vais envoyer le feu de Dieu dans ta vie, ça va consommer toute ta famille. Mais lui, et celui-ci, on dit injurié, nous bénissons. Persécuté, nous supportons. Vous avez cela? Je veux que vous voyez le mot supporter. Persécuté, on reste tranquille là-dedans. Parce que la persécution, jointe à la prière, sont les nourritures et les vitamines du chrétien. Il dit, persécuteur, quand on te persécute, tu ne fuis pas. Tu supportes. Qu'est-ce que les chrétiens? On a tellement entraîné les chrétiens. Tu as donné quelqu'un coup. Frère Junior, oui. Dans ma famille, je suis persécuté. Il dit, ah bon? Oui. Les gens ne comprennent pas pourquoi il dit chaque fois. Il dit, c'est ton lot, porte. Il me regarde comme ça, comme il ne peut pas faire autrement parce que c'est la parole. Donc, il n'y a pas d'imposition de main pour éloigner le démon de la persécution. D'accord? Et il n'y a pas d'imposition de main quand on dit que esprit de persécution. Sors de ce corps. En fait, la Bible veut nous enseigner que l'esprit de persécution doit entrer dans nos corps. Il dit persécuter, nous supportons. Donc, parce que la persécution fait partie de notre manuel d'entraînement. C'est notre quotidien. Mais ce qu'on veut enseigner aux gens aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous vous amenez de la pensée de ne pas, que vous n'êtes pas ou n'avez pas de problème sur la terre. Il faut que tu penses que tu n'as pas de problème sur la terre. Parce que c'est que tu penses. Si tu penses méchant, tu vas vivre dans la méchanceté. Si tu penses pauvreté, c'est la pauvreté qui va venir vers toi. Si tu penses comme ça, mais la Bible, elle, dit Christ a souffert, nous laissant un exemple, un modèle afin que nous suivons ses traces. Armez-vous donc de la même pensée. Donc vous amenez que quand Christ a souffert là, je me prépare à souffrir. Mais eux disent que non, pense plutôt que tu es riche. vois-toi en grand. Si tu ne vois pas toi en grand, comment tu vas faire? Les aigles volent avec les aigles, c'est vrai. Tu es la tête et non la queue. Nulle part, aucun verset ne dit que tu es la tête et non la queue. Vous avez vu ça dans la Bible? Tu es la tête et non la queue. Il dit que ça, son enfant lui-même te redouble la classe. Alors, il faut qu'on revienne à l'ordre. Il y a un but que Dieu recherche effectivement derrière les épreuves qui nous arrivent. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Les choses, c'est le manuel de la vie que Dieu a mis. La Bible, c'est un manuel qu'on a écrit. Mais Dieu a écrit dans la nature autre chose pour nous enseigner. Remarquez la mer. Vous avez déjà vu que la mer va aux toilettes. L'océan va aux toilettes. Mais elle se lave chaque fois. Vous avez remarqué? Qui lui a enseigné à rejeter? Ça rejette ses écumes, ça se lave automatiquement. Vous restez à côté de la mer, vous observez comment la façon que ça agit, ça arrive au niveau de la terre, ça laisse la bâtisse, non, quitte-moi. Tout autour de nous, c'est un sujet d'enseignement. Et donc, si nous tournons tout autour de nous, vous allez voir effectivement que tout vit dans les difficultés quotidiennes, tout. Je crois qu'il faudrait mieux de conclure ça pour laisser dans la méditation. Donc, tu vois, c'est la conclusion qui est venue là maintenant. Tout vit au niveau de cette méditation quotidienne de la souffrance. Tout. Vous voyez souvent des chaînes de télévision où on montre les animaux qui luttent. Ils cherchent quoi au juste? Qu'est-ce qu'ils cherchent, frère? Quand vous voyez le lion court comme ça, la biche voit comme ça, il commence à détaler. Qu'est-ce que la biche veut de comprendre? Que le gars ne vient pas me saluer, pas vrai? Vous avez entendu le lion a dit que je vais te tuer, je vais te tuer. Le lion marche comme ça, il le guette. La Bible dit que je t'ai vu de loin, tu vas venir. C'est pas ça, frère? Allons dans la Bible voir leur histoire racontée par Dieu lui-même. D'accord? Pour que vous voyez que tout, c'est au niveau de la persécution. Chacun doit être persécuté. En fait, tu as un persécuté et toi-même tu persécutes. C'est ça le vrai problème. C'est ça. C'est-à-dire que toi-même, tu dis que non, on me persécute depuis. On me persécute depuis. Je te pose la question, n'as-tu jamais persécuté quelqu'un? Quand tu vois un péché, l'un de vie dans ce péché, tu dis que repente-toi, repente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans ses oreilles? Psaume 103, de quoi vous êtes donné cela? Psaume 103, j'aurais souhaité vraiment qu'on parcourse. Je crois qu'il y aura une troisième partie encore. Parce que vous avez gardé pour longtemps, là, n'est-ce pas, frère et soeur? Psaume 103. Quand vous aurez le temps, lisez ça attentivement, d'accord, frère? Mais je vais prendre le passage. Après, on va aller encore dans notre psaume pour vous. L'histoire des. Non, je crois que c'est mieux. Allons dans le psaume 104, puis revenons dans le psaume 103 pour conclure là maintenant. Écoutez très attentivement. Quand vous allez avoir le temps, dites bien, je vous ai donné la deuxième fois psaume 103, psaume 104 et psaume 105. Alors, le psaume 103, qui est dans la raconte de l'histoire de ces animaux, c'est avant que sa mère revienne là-bas pour dire que je conclue. Donc, il veut que je conclue ici. Alors, je vais lire à partir du verset 21. Suivez attentivement, psaume 104. Les lionceaux rugissent après la proie. C'est pas ce qu'il a demandé. C'est pas ce qu'il dit tout à l'heure. Et demandent à Dieu leur nourriture. Frère, la Bible déclare que les animaux prient pour demander comment ils vont réussir dans leur vie à Dieu. Donc quand tu vois le lion faire, il a dit que Seigneur, tu m'as mis roi ici. Le roi dit comme ça. Donne-moi la nourriture. C'est pas ce qu'il dit ici. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Donc Dieu comprend le langage des animaux. Quand il veut, Dieu comprend ce qu'il veut. Il le guide. Il reste responsable, il dit qu'une biche c'est là-bas. Il positionne la biche. La biche fait un peu comme elle court. Après, on l'attrape. Tu reste responsable, tu dis, ouais, comment elle va faire? Si tu empêches le lion de tuer la biche, le lion va vivre comment? Comment il va vivre? La solution, c'est de tuer tous les lions. Vous tuez tous les lions, la forêt est déséquilibrée parce qu'il faut qu'il y ait un roi. Si vous comprenez, il faut qu'il y ait un roi. C'est pour ça qu'il parlait de cet petit insecte qui entre dans le truc chaque fois. Vous remarquez qu'ils entrent comme ça, quand ils entrent comme ça, les araignées et autres sont dans les toits d'araignées. Vous dites, oh, le toit d'araignée s'y dérange. Vous remarquez que les toits d'araignées, ils ne viennent pas pour vous déranger. Il y a des mauvais insectes qui entrent dans la maison, alors ils partent te mettre dans le coin. Ça attrape les mouches qui te dérangent chaque fois. Ils restent la tête, toi, d'araignée là-bas. La mouche fait comme si il te dérange, tu le chasses avec les habits. En allant là-bas, bam, il tombe là-bas. Lui, il t'avait dit que quoi qu'il devait t'avoir, non, tu es venu me trouver ici. Il mange. Il t'a aidé à enlever les mouches. Pour le remercier, tu enlèves cette toile d'araignée. Parce qu'il te dérange chez toi. Pourtant, il est là pour un but. Mais suivez, frère, la souris vient à la maison. Il ne veut pas donner le ministère à la souris. On cherche à te dire, mais qu'est-ce que le gars s'y fait ici? Il dérange. Il fait croc, à 5 que tu entends croc. Le temps que tu lèves, tu vois qu'il est 5 que tu vas prier. La souris va te réveiller d'aller prier. La souris. Hein, pasteur, tu me regardes comment? Tu me regardes comme ça là. Tu cours avec chaque jour. Alors, regardons ici. Regardons maintenant Dieu nous a dit. Il s'en est dit que tout dans la vie raconte ces choses-là que nous devons nous tenir dans les épreuves et nous préparer et en sortir avec des enseignements. Donc, quand nous voyons les animaux à l'œuvre, voyons, restez devant les choses des animaux, observez, mais les voici maintenant dans la Bible dont j'ai raconté. D'accord? Regardons encore. Il dit, les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu la nourriture. Donc, nous comprenons que c'est Dieu qui est censé leur donner la nourriture. N'est-ce pas? Ok, maintenant, regardez. Le soleil s'élève, il se retire et se couche dans leur tanière. Vous y êtes? L'homme sort pour se rendre à son ouvrage. Vous y êtes? Et à son travail jusqu'au soir. On aime dessus, n'est-ce pas? Ah, que tes œuvres sont en grand nombre, ô éternel. Donc, vous voyez, la personne s'en est d'observer les œuvres de Dieu. Il a de l'observer en colonne, maintenant il comprend que Dieu est derrière toutes ces choses, n'est-ce pas? Puis il dit ici, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meurt sans nombre des animaux, petits et grands. Il a déjà quitté la terre tout avec les animaux, le voici dans la mer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié pour observer vraiment les choses. C'est pour ça que Romains chapitre 1, le verset 18 dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa création se voient à l'œil nu. Il dit donc que l'être humain est inexcusable. On est sans excuse. Parce que tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. D'accord? Observons ici, regardez. Il dit par la suite, il dit, verset 26, là se promène des navires. Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux. Vous avez vu ça, frère? Donc, allons-y tranquillement. On a récité depuis dans la terre. On a récité depuis sur la terre, dans la mer. On dit qu'il y a un grand animal dans la mer qui se joue de l'eau, on appelle le Léviathan. Vous avez vu, si vous voyez ces émissions des animaux, observez seulement la chasse des gros poissons avec les petits poissons. Donc, la Bible nous enseigne ici. Que si le gros poisson poursuit un petit poisson, juste à ce qu'il parvient à l'attraper et à manger, le gros poisson va rendre grâce à Dieu parce qu'il a prié, Dieu a exaucé sa prière. C'est ce qu'on a dit ici. On dit que tous espèrent en lui. Donc, et Jésus avait dit ça autrement, il avait dit que, observez les oiseaux du ciel, il dit qu'ils n'en tombent point rien sans la volonté de Dieu de Père. C'est ça, frère. Donc, quand tu parles de demandement, le front compte ici, là, tu fais dans les oiseaux, tu fais pas. Dieu décide de choisir lequel des oiseaux le caillou est censé frapper. Ça ne va pas, tu peux prendre, tu dis waouh, la Bible déclare que la Bible a dit qu'il n'en tombe rien sans la volonté de Dieu. Dieu s'intéresse aux oiseaux, à ta chasse aux oiseaux. Ça vous fait quoi là maintenant, frère? Donc tu sors avec le caillou pour chercher les oiseaux. Tu tombes dans, bam, les oiseaux fuient pro. Dieu les a prévenus que fuir, c'est l'heure est grave. Je ne vais pas vous livrer aujourd'hui. Alors la Bible déclare ici là que tous espèrent en Dieu pour leur nourriture. Donc quand le lion sort, il poursuit. Il attend, pas, Dieu a exaucé. Et remarquez, chaque fois que le lion, les animaux poursuivent, quand il trappe, il ne commence pas à manger, il s'assoit. Ça, c'est les actions de grâce. Il prie pour le repas. Dieu a exaucé. Maintenant, prenez celui qu'on a tué là. Lui aussi est une proie pour une autre personne, encore un prédateur pour une autre personne. Observez ce mot au champ. Montez sur dans un endroit avec la caméra. Mettez la caméra. Vous voyez le lion, quoi, le tigre sur les arbres en train d'observer. En bas, le cobra lève la tête comme ça en train de guetter. La souris. La souris en train de guetter comme ça, un petit animal. Il a de poursuivre comme ça. Pendant qu'il poursuit comme ça, lui, il ne sait pas que quelqu'un derrière lui a levé la tête. Que prend. Vous voyez là, n'est-ce pas? Pendant qu'il fait comme ça, là, le tigre en haut, il a dit, observez que maman, il voit les choses sur la tête là. Donc, l'autre en train de surveiller, l'autre, pendant qu'on est en train de le surveiller. Il attrape comme ça, la souris attrape l'animal, comme ça, il entend, pas, lui, il est parti. Donc, la personne qui a pris la souris prend la souris et l'autre animal. Dieu a exaucé sa prière au double. Yes. Ouais, c'est la Bible qui me dit ici. C'est la Bible qui a dit, pas vrai? Quand il finit comme ça, quand l'autre sort du sol, il prend celui-là, s'il mange tout, il a mangé la souris et l'autre là. S'il finit comme ça, le chasseur, maintenant, il fait, bah! Pendant qu'il fait comme ça, là, le chasseur mettait le truc pour briser. Quand il fait ça, quand il finit de manger, ça fait comme ça. Merci Seigneur. Je lui dis, oh, merci Seigneur, il est calme. Il a tué le serpent et la souris et le truc de la chaîne alimentaire. Ça ne doit pas être brisé. Dieu a fait ça ainsi. Et la Bible déclare que chacun espère en Dieu. Donc quand la mouche sort, on s'en fait, oh, je ne veux pas, il y a la nourriture sur la table. Tu as de manger en causant avec quelqu'un, il vient dans un. Tu dis, mais quitte là-bas. Dieu m'a dit que c'est pas ici que ça se prend. Tu comprends pas. Il revient dans le repas. La Bible dit que tous demandent de lui, espèrent en lui leur nourriture. Tu mets ta nourriture ici, mais celui-ci sort d'eau. Il sort de loin là-bas chez maman Joséphine là-bas pour venir son repas ici. Hein, frère? Ok. C'est une expression ici rapidement. Donc la Bible déclare, verset 27, tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. On dit les animaux, en son temps. Verset 28 dit effectivement, tu la leur donnes, donc leur espérance est comblée. Leur prière est exaucée. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient des biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Donc, tous les animaux qui supposent ne pas même pas avoir, Dieu cache ce qu'il ne veut pas. Et Dieu, là, il observe aussi les choses qu'ils font sur la terre. Tous les animaux qu'on a tombés, tu en as. Continuons. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu vois, envoie ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Nous devons craindre ces dieux-ci, n'est-ce pas, frère? Nous devons craindre ces dieux-ci. Donc, frère, bien-aimé, il y a des épreuves qui nous attendent et dont nous vivons et des épreuves supérieures. On ne redoute pas la classe dans ce parcours-ci. On ne redoute pas la classe dans ce parcours-ci. On n'arrondit pas les notes. On ne passe pas par relation. Non. Que je vais voir tel ou tel personne va porter mon épreuve. Chacun doit prendre sa course. La dernière fois, je vous avais dit que l'épreuve de la vie que Dieu a fixée pour chacun, c'est la seule université où tout le monde prend le cours dans la même université sans avoir les mêmes épreuves. C'est la seule. Vous allez à l'université, vous enseignez les mathématiques, vous allez vous asseoir, vous enseignez les mêmes mathématiques. Le jour qu'on vous donne les épreuves, on vous donne les mêmes épreuves. C'est pour ça qu'on vous met dans une telle salle pour que personne ne triche. Et s'il n'y a pas de tricherie, personne ne te surveille. Tu passes, tu passes. Tu échoues, tu échoues. Vous me suivez, frère? Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne comprenez pas, comme si vous ne comprenez pas. C'est que vous allez sauf que comprendre. Parce que vous allez vous réveiller, l'épreuve est là. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu dis que l'autre, il veut me tuer, tu prends la côte, tu mets au cou, tu comprends que la difficulté comprend comment au niveau de la douleur. Tu dis, ça étouffe, alors que ça devait t'étouffer pour faire ce que tu es en train de vouloir faire. Donc les épreuves sont partout. Partout. On ne doit pas fuir l'épreuve. On doit accepter l'épreuve pour pouvoir braver et avancer vers là où Dieu nous attend. Et souvenez-vous, il n'y a pas de épreuve régressive, c'est progressive. Je vous avais dit que Dieu, lui, progresse, Satan décroît. Dieu progresse dans sa révélation depuis l'éternité. C'est comme ça qu'il se révèle doucement. Doucement, doucement, comme en plein jour, comme c'est Proverbe chapitre 4, verset 18 dit, comme en plein jour. Alors, Satan, lui, il a commencé dans la gloire, il décroît seulement dans les ténèbres pour disparaître. Dieu va dans le sens contraire. Donc, les difficultés vont aller grandissant. Et je vous avais dit la dernière fois que tout va dans ce sens-là. Tout commence petit pour grandir, selon ce que le plan de Dieu. Les semences, une semence de manguier, ça donne un très grand arbre. Jusqu'à tu te demandes que le grand arbre, c'est qui est Dieu qui me dépasse, qui est grosse là-bas, ça sort d'où? C'est un petit mangue que tu as fait, c'est un jour qui est devenu comme ça. Comment ça s'est fait? Ça a traversé les épreuves de la vie. Demande à ce manguier là-bas, ça n'a pas été facile. Quand il était petit, un homme est passé un jour piétiné, comme ça, il a traversé, joué au ballon. Les enfants, un jour, volant, tapé le ballon. Il s'est tombé sur ça, il est tombé comme ça. Quand il grandissait, quelqu'un est venu battre, enlever ses feuilles. Les vaches sont venues manger le feu. Il a été grave. Quand il est arrivé à un niveau de nez, les gens qui font ce que Dieu ne veut pas, ils font des remèdes pour aller faire les sorcelleries. Ils sont venus couper ses écorces pour aller faire. Il a dit, ça a été guéri. L'arbre est passé par des épreuves. Il y a du moment où il a cherché l'eau à boire, il n'a pas eu, comme on a vu dans ce psaume chapitre 1, parce qu'il était positionné, il ne maîtrisait pas selon les lois de Dieu, il était planté, plein au courant d'eau. Là, il les éprouve. Mais il a grandi maintenant, il est solide. Contre le vent, quand ça fait chaud, chaud, chaud, la racine ne bouge pas. Parce qu'il est arrivé, il a passé les épreuves. Il produit du bon fruit. Il produit du bon fruit. On veut encore s'asseoir en bas, merde, la mangue c'est bien. Hein. Donne la mangue, on ne sait pas comment il a fait. Donc, vous voyez quelqu'un dans votre vie, on sait que, wow, il prie Dieu exauce. Il prie Dieu exauce. Il n'est pas celui qui va dans le. Il dit Seigneur, Dieu dit me voici. Non. Il est passé par des difficultés, des moments de pleurs, des moments de jeûne intense qui l'ont permis à connecter à ce Dieu-là. Demandez à n'importe qui veut vous connecter à Dieu. Il vous dira que c'est le chemin. Demandez à n'importe qui. Il va vous dire qu'on n'impose pas les mains à quelqu'un pour qu'il soit connecté à Dieu. Dieu se connecte à toi au travers de ces épreuves-là. Dans les moments de la fournaise, il prend courage. Prends courage. Il pouvait prendre les enfants des Juifs, comme il dit la dernière fois, faire disparaître les Égyptiens. Il les a fait passer dans les déserts, dans les tribulations, dans les tribulations, dans les tribulations. Arrivé quelque part, il les ouvre l'eau. Et au moment donné, il est sous le soleil. Il crie n'importe comment, il n'est pas là. Il crie n'importe comment, il n'est pas là. Mais un jour, quelqu'un va venir les maudire, que maudit Israël. Il dit que, lui, Dieu dit qu'ils ne voient pas le point, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Je ne vois point en Israël d'iniquité. Pourtant, ils sont dans le problème. Les gars crient chaque jour que man, cette nourriture misérable. Vous comprenez cela? Vous comprenez, frère? L'objet de notre adoration, c'est le Seigneur, pas vrai? Il est l'auteur, le chef, le consommateur de notre foi, pas vrai? Faisons-lui confiance. La Bible nous dit clairement que notre foi qui est précieuse, plus que l'or là, doit passer par le feu. D'accord? Je suis bien, n'est-ce pas? Donc les épreuves sont nécessaires. En fait, que vous l'admettez ou non, vous fuyez l'épreuve, vous n'êtes pas avec Dieu. Dans la troisième partie, je vais développer maintenant dans le Nouveau Testament. Allons-y avec les différents exemples des frères et des sœurs qui ont traversé par là. Vous lisez Apocalypse, oh Apocalypse déjà. Mais le gars avait des révélations, il avait des révélations. C'est parce qu'on l'a envoyé à l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Guantanamo. Guantanamo. Donc, si vous prenez l'île de Patmos à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Guantanamo. Donc, quand tu mets à Guantanamo aujourd'hui, c'est pour que tu es terrible. Parce que lui, on l'avait mis dans l'huile, on a bouilli l'huile comme ça là. Mettre à l'intérieur, plonger à l'intérieur pendant 24 heures, il n'est pas mort. On dit que celui-ci c'est un sorcier. Mieux, on le met à Guantanamo de l'époque. Quand il était là-bas, c'est là Jésus qui veut dire que ce que tu vois écrit. Jésus n'a pas dit que je viens pour te délivrer de Guantanamo. Il est venu là-bas. Il dit ce que tu vois écrit, envoie-le à cette église qui soit en Asie. Jésus l'a délivré de là. Il a une révélation. Il a transporté un esprit que il veut aussi le voir. Quand il descend dans son corps, il est resté à Guantanamo de Patmos. Vous suivez, frère? L'apôtre, pourquoi on l'a mené à Rome? On ne l'a pas mis dans la première classe du bateau. Il avait les chaînes entre les mains et les pieds pour qu'il ne fuit pas. Vous comprenez ça? Il est resté dans la nuit comme ça là. Le bateau a fait brrr, un ange est sonné. Sol, prends courage. Je te donne les hommes de ce bateau-ci. Il ne perdra aucun. Ils sont sous ton pouvoir. Et qui dit pas lui aussi que c'est entre vous sur la terre là-bas. Là, je peux pas le prendre, le disparaître avec lui. Hein, frère? Donc, faisons attention avec le style des messages que nous entendons. Faisons attention. Un ange aux côtés de toi ne veut pas dire que tu vas passer par les difficultés. Jésus sur la terre en a vu, non? Quand il était dans Gethsémané, quand il dit, oh Père, s'il est possible, Dieu dit, c'est possible, c'est par là où tu vas passer. C'est pas ça, frère? Il a vu quand un ange est devenu pour le fortifier. Que Seigneur, oui. Tu avais dit que tu viendrais pour le Seigneur, déjà, non? Vas-y, c'est bon courage. Il rentre en haut, voit le film, que voyons le film. Le gars, il est parti à Golgotha. Donc, être proche du Seigneur, dans l'intimité du Père, ne t'épargne pas des problèmes. Ça ne t'épargne pas des problèmes, des difficultés. Ça ne t'épargne pas. Demandez à Élie. Il va vous dire ce que c'est que courir dans le désert à cause de la voix d'une femme. Pourtant, c'est lui qui a dit, le feu de Dieu, j'ai descendu, ça a tué 150 personnes, presque. Demandez à Élie, il va vous dire. D'accord, frère? Demandez-le, demandez à tous ces personnes-là, demandez à Joseph, il va vous dire ce que c'est que quelqu'un qui n'a jamais commis de faute, accusé par ses frères, et que Dieu lui a donné des visions, qu'il veut raconter. Et la vision, c'est par rapport à son avenir. Jusque-là, on prend, on dit que voici le songeur. On va voir ce que son songe va devenir. On le vend. Demandez à son père qui l'aimait tellement, qui lui a fait des vêtements de plusieurs couleurs, qui savait que voici mon successeur. On vient lui dire que voici ton fils est mort. Il contente, dit, oh Père, Seigneur, pourquoi Dieu a fait? Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé, parce que c'est son plan lui. Il est libre de parler quand il veut. Il n'a pas parlé. Il s'est lamenté. Ça a changé quelque chose. S'il disait que, quand tu m'as enlevé mon fils, tu m'as caché ce qu'il veut. Pourquoi j'ai envoyé mon fils là-bas s'il ne savait pas envoyer mon fils? Pourquoi tu ne m'as pas révélé que si j'ai envoyé mon fils comme ça, on devait le vendre? Pourquoi tu tenais tous ces dossiers? Je n'étais simple. S'il ne le sait pas, ça fait quoi? Ça a changé dès qu'il est devant Dieu. Hein, frère? Alors, c'était le plan parfait de Dieu que ça arrive là-bas. Donc, Dieu n'a pas dit, Jacob, comme tu décides de faire de Joseph ça, ton successeur, là, c'est très bien, hein? Mais sache qu'il va le faire un jour, tu vas l'envoyer là-bas. Ses petits frères et son grand frère vont le vendre. Arriver là-bas, ne t'inquiète pas parce qu'il est arrivé. Potiphar va le prendre, après on va l'accuser injustement. Il est obligé de te dire le plan. Il te laisse comme ça. Et de ce cas le matin, on t'envoie comme ça. Tu dis que tu crois que tu pars comme ça, tu vas revenir comme tu veux revenir souvent. Ça t'entraîne seulement. Hein? Oui, ça t'entraîne. Tu sors comme ça, tu ne reviens plus. Quand il est sorti pour aller donner la nourriture à ses frères pour regarder comment ça se passe, il savait qu'il devait rentrer, non? Il est rentré. Donc faisons attention. Vous pouvez sortir un jour sans entrer dans une autre destinée. Et cette destinée, vous allez crier n'importe quoi. Personne ne peut porter avec vous parce que dans la destinée de Dieu, c'est toi qui dois jouer ça. Vous suivez, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ce qui est bon dans cette histoire, c'est que Généralement, les difficultés ne se partagent pas, mais les bénédictions à l'issue de ces difficultés se partagent. C'est ça, n'est-ce pas? Le mangue dont on nous a parlé, les difficultés qu'elle a parcouru, quand les mangues tombent là, quand vous savez où lui donner, vous donnez pour lui, vous remerciez Dieu même pour ce manguier, tu trouves ça naturel que la mangue tombe, qui produit la mangue, tu es censé produire la mangue. Nous sommes censés sucer. Remarquez les amis de Job, quand ils sont venus vers Job, les trois amis de Job, quand ils sont venus vers Job, ils sont restés comme ça, 7 jours, ils disent que yes, on me dit que les gens ont le problème, c'est celui-ci a le problème. Ils cherchaient par où commencer pour lui parler. Conseiller, on ne peut pas conseiller, ils sont restés comme ça, fermés la bouche que yes. On dit que quelqu'un est pauvre, c'est dans celui-ci, ça n'a pas de pauvreté à dépasser les limites. On va commencer comment? Si tu veux donner 4 millions, ça ne suffit pas parce qu'il est habitué avec les milliards des milliards. Tu veux comment? Tu vas dire Asia, il va dire que Asia, tu peux porter ma souffrance. La Bible déclare que le cœur connaît son propre chagrin. Vous savez ce qui se passe? La Bible déclare, si vous lisez Job à la fin, la Bible déclare quand Dieu a béni Job, ses anciens postérités a doublé, ses anciens amis sont encore venus maintenant pour le conseil, pour chacun venir maintenant là, chez Job. Pourquoi? Parce que c'est au moment des festins. Quand il était en difficulté, il souffrait avec qui? Quand il y a la joie, il fait avec qui? Tout le monde, c'est ça. D'accord, frère? Nos difficultés, nous pouvons partager nos expériences afin que d'autres en profitent. Mais c'est vous seul qui allez vivre ces difficultés. C'est vous seul qui allez passer dans ces épreuves. Ne murmurez pas derrière les épreuves, ça ne vous servirait de rien. Vous murmurez n'importe comment, vous allez finir, vous allez le voir là-dedans. C'est ce que le monde essaie de chercher les solutions, ne trouve pas. Ils disent donc que je noie mes soucis dans l'alcool. Quand il finit de boire, quand l'alcool finit, les difficultés sont parties. Donc les difficultés ont appris à nager. Ça a appris à nager. Tu dis que, oh, le bailleur là me casse la tête quand il vient chaque jour. D'abord, je n'ai pas le travail. Il vient chaque fois, il me sonne la porte au mur, il reste dehors, je dors. Je dors dehors, je bois. Comme ça, il vient le grand matin. Tu bois la nuit. En remontant le matin, comme ça, tu verses les choses de quelqu'un. Tu as ajouté la dette sur la dette, non? Là, maintenant, c'est les difficultés que tu as encore augmenté les problèmes sur le problème. Parce que tu fais, t'es passé maintenant, tu vas payer la dette. Avant de toujours tourner, un jour payer le bailleur. En même temps, tu allais détruire quoi ton propre corps. Donc, dis à ton voisin maintenant, cesse de faire comme l'autruche. Affronte tes situations. Supporte les persécutions. Car j'ai les miens. Personne n'est exempté. Souviens-toi de la parole du maître qui a dit, si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Ou bien tu es plus vert que le maître? C'est ce que le Seigneur a dit, non? Que si on a traité ainsi lui qui le bois vert, vous qui on fait un cas, vous cassez, quoi, on fait quoi de vous? Quand quelqu'un prend le bois vert, il va d'abord mettre au soleil que ça se sèche. Quand le bois sec, on prend, on met au feu directement, frère. Donc nous sommes dans la fournaise. La Bible déclare donc, regardez comme une joie complète les différentes épreuves auxquelles. On va voir cela dans la prochaine étape. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc il y a un but pour ça que Dieu est en train de rechercher. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.